Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Slam Disc. Le bien d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Sébastien F. Gartin livrera la marchandise et déballera l'actualité dans son bulletin Gartin. Et Alfalfa le lutin nous emballera de sa magie de Noël à l'année dans son segment Jeux de société. Assemblage Requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 18 janvier 2017 à 99 jours de la fin de l'année scolaire en temps direct des studios TFO à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Hola, Tania. Hey! Comment allez-vous? Très bien, très bien. Les rumeurs courent que t'as joué à Trivia Crack toute la soirée comme Exactement. Une loser! Baby, parce que... pour la simple et bonne raison que ce jeu-là, c'est vraiment addictif. Vraiment? Du moment que tu recommences à jouer, parce que j'avais détruit l'application, puis là, c'est un de mes amis qui me l'a fait redownloader dernièrement. Donc, quand que tu recommences à jouer à tout ça, tu peux plus t'arrêter. Il y en a plusieurs qui... Tu te fais comme mission de gagner toutes tes games, puis finalement, tu perds... Quatre fois contre deux victoires. C'est ça. Il y a des gens qui détruisent Tinder tout le temps et ramènent. Ouais, toi, ouais, c'est Trivia Crack. Exactement. Toi, t'as matché avec quelqu'un de vraiment cool, je sais pas, non? Sur Trivia ouais? ou Tinder? Sur Trivia? Non, j'ai rencontré quelqu'un sur Trivia. Ça pourrait arriver. Ça peut arriver. Je sais que tu as un chat sur Trivial, mais je vais t'avouer que dernièrement, parce que je joue aléatoirement ou avec certains amis directement, je tombe toujours sur des filles de façon aléatoire. Ah oui? Ah. Ouais. Sinon, si je veux vraiment y aller pour un duel ami avec ami, bien comme par exemple hier, j'ai joué contre David Ferron, qui est le directeur... Le rédacteur en chef du Zone Campus. Et collaborateur à Assemblage Requis. Exactement. Donc, j'ai joué contre lui, mais sinon, c'est vraiment... on dirait qu'il y aurait juste des filles qui jouent à ça. Eh bien, ben, tant mieux. Pour vrai, c'est cool. Ben oui. Hein? Bon. Puis ça fait vraiment fonctionner vos connaissances générales. Moi, oui. C'est ce que j'adore. Absolument. Donc, Trivia Crack, on n'a pas de chronique là-dessus aujourd'hui, malheureusement. Non, je suis désolée. À moins que tu... Non, c'est ça, tu pourrais c'est préparer. C'est mon segment. Ouais. Aujourd'hui, à l'émission, on a la chronique de Gabriel Béhoud dans les coulisses de la Luitre. Il va être seulement sur le terrain aujourd'hui. On ne l'aura pas en studio avec nous, mais ça se passe quand même à 8h30. En fin d'émission, à 9h, on a Alfalfa le lutin. Mm-hmm. Il va être là pour parler de jeux de société. On sait qu'il va parler d'alcool une fois de temps en temps. D'un moment à l'autre, il va venir nous parler d'alcool. Mais là, pour l'instant, c'est des jeux de société. Ta chronique s'en vient, comme on l'a dit, Tania is gonna entertain you. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Eh bien, je vais m'inspirer surtout d'une conversation que toi et moi avons eue hier. C'est souvent ce que je fais de toute façon pour choisir les sujets de chronique que je vous présente. On est si inspirants l'un l'autre. Exactement. Mais la semaine dernière, je vous ai fait une chronique économie lorsque Justine était là. Il y a plusieurs gens qui ont aimé, qui ont apprécié cette chronique-là. Aujourd'hui, je vais vous revenir avec une chronique simplement crédit. Ah boy. OK, oui, attention. On a besoin. Ah ouais, ouais, oui. Ça s'en vient vers les 8h quelques. Dans quelques instants, ce sera Sébastien F. Gartin. On l'attend encore, il s'en vient dans les prochaines minutes. Mais pour l'instant, on a le temps d'entendre une pièce de Yoko Feu, nouvelle entrée du palmarès francophone. OK, oui, c'est Exil. À Assemblage Requis, tout de suite. Des balles à dans les bois, les phares de leur voiture nous ont pris par surprise. Ça s'arrête à l'instant. Leurs fusils pointus s'enfoncent dans nos coups. À tout prix, résister, va falloir sauter. C'est ça, exactement. C'était à peu près ça que je faisais. En moins réussi. Excuse-moi, une émission de nuit, il me semble que c'est comme le classique des émissions de nuit. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais. Je suis désolée. Mais il y en avait plusieurs. PS Torres. C'est ça. Sébastien Vigartin qui habituellement attend qu'on le mentionne avant de parler. Puis là, hey, aujourd'hui, tu enfreins ta règle puis t'étais pas allumé. C'est ta propre règle. Ouais. C'est des journées comme ça. C'est pas fin, ça. T'as eu un brain fart, comme t'appelles. Ouais, c'est pas un joueur de football, ça. Ah non, ça, c'est Brett Favre. C'est pas la même chose. Voici le bulletin Gartin. C'est le bulletin Gartin avec Sébastien Fart Gartin. Le F veut dire fart. Fart pour brain fart pour j'ai mis mon cadran à mauvaise heure à matin, puis c'est ça. Ça donne ce que ça donne, mais c'est pas grave, on t'apprécie quand même malgré ton retard évident. Ouais, je vous avertis quand je pourrais être en retard. Quand je me rends compte que, OK, je suis un imbécile puis j'ai pas le temps de me rendre pour l'heure, d'habitude, je vous le dis. Ah, t'es très, très fort. T'es vraiment parfait. Et ça vient compenser pour les, je crois, 2 ans où j'étais en retard littéralement chaque matin de semaine. T'sais. Juste la session dernière, mettons. Ouais, c'est ça, parce que j'arrivais avec l'autobus de 7h30. Exact. Bref, tout ça pour dire que bonjour à toi. Bonjour. Oui, t'es là pour nous parler d'actualité, de choses, de nouvelles qui se passent dans le monde, un petit peu partout, Canada, Québec, peu importe. Oui. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ouais. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ben, beaucoup de choses, écoutez, beaucoup de choses. En fait, là encore, j'avais de la misère à choisir. Est-ce que je vais parler du nouveau poste de Pierre Moreau au gouvernement du Québec? Est-ce que je vais parler de Poutine? Pas mais bien du président Vladimir. De la Russie. Est-tu président ou premier ministre dans cet instant-ci? Je m'en rappelle jamais. Je pense qu'il est président dans cet instant-ci. Ça a changé. Oui, il a switché les deux. C'est parce qu'il y avait une loi avant en Russie comme quoi tu ne pouvais pas être président plus que tant d'années dans ta vie. Donc, c'est lui-même autonominé. En fait, oui puis non. C'est qu'il a été président pendant un bout. Ouais. Il est devenu premier ministre. Il a mis son... En fait, apparemment que son mandat présidentiel s'est terminé en 2012. OK, ouais. Il est devenu premier ministre. Il y avait Dmitri Khrouchtchev, si je me rappelle bien, qui était son... c'est un nom de même, en tout cas. Ça qui était son Khrouchtchev. Premier ministre, qui est devenu président. OK. Poutine est devenu premier ministre. Khrouchtchev, si je me rappelle bien, a fait changer si je me trompe pas de son nom, a fait changer la loi comme quoi est-ce que finalement tu peux te représenter après comme président. Puis là, Poutine est redevenu président. Mais là, les dates, je suis pas très certain. Puis en fait, c'est que j'avais pas l'intention de parler de ça. C'est juste qu'il a parlé d'en fait. C'est plate. C'est, on nous le présente souvent comme un peu un malade, là, comme ouais, un à torse nu. Ouais, souvent. Tu sais, le typique dictateur, ben, le russe, semi-dictateur, là. Le méchant russe. Tu sais, il se fait élire parce qu'il se montre en chest, parce que c'est un homme. Ouais. Tu sais, il se monte en chest à chasser l'orignal dans une chaloupe. Puis tu sais. Pis, il est encore président. Il est encore président. Ouais, c'est ça, il est revenu. C'est ça, il est revenu. Il a fait son ancien premier ministre a changé la loi pour qui? Ben, tu sais, pour qui? Il a fait changer la loi, mais ce qui lui a permis. Il reste là. Ça donne drôle. Bon, OK, je ne commenterai pas sur la démocratie en Russie, mais la démocratie, ça reste que, comme on l'appelle. C'est intéressant quand vous lisez un peu ce que, quand vous prenez vraiment ces déclarations comme ça, puis on oublie deux secondes tout ce qui se passe en Russie, puis juste ces déclarations sur les premiers ministres et les présidents occidentaux, ça a quand même de l'allure. Tu sais, il expliquait, il s'est positionné cette semaine par rapport à ce que... Ben, hier, en fait, par rapport au Golden Shower Gate de Donald Trump. Ouais. Comme quoi est-ce que le KGB, l'ancien KGB, ce qui était le KGB, là, je sais plus c'est quoi les lettres, là, les services secrets russes dans le fond, parce que le KGB c'était associé à de la torture, des choses comme ça, ils ont changé le nom à un moment donné pour pouvoir alléger les choses. Ouais, c'est ça, pour que essayer de quand ils ont recommencé à rebâtir des ponts avec l'Occident là, des années 90 puis début 2000, ils avaient changé le nom de ça, mais je me rappelle plus c'est quoi, c'est KSC, un truc comme ça, mais bref. Et là, c'est Google fort. Mais les deux en même temps. Les deux en même temps, vous avez vu vous tourner vers vos grands ordi. Mais c'est ça, en gros, il y avait lors du Golden Shower Gate de Donald Trump, le drame de la semaine passée. Le GRU. GRU, OK, j'étais pas dedans pendant tout. Ou le FSB. FSB, c'est ça que j'avais vu. Ah. K et F, tu sais. C'est tout pareil. Hein. J'étais un petit peu dyslexique avant 6 h le matin. Non, mais blague à part... Il a dit lui-même, il a un peu repris la controverse du Golden Showergate en donnant son point de vue puis en nous montrant comment est-ce qu'on est un peu imbécile. En gros, ce qu'il disait, c'est que ce qui avait été dit, c'est que la raison pourquoi ça avait été connu, c'est que les services secrets russes avaient espionné Donald Trump en 2013 ou 2014 quand les faits allégués auraient eu lieu. Mm-hmm. Les services secrets donc posséderaient une vidéo de tout ça, donc la preuve vidéo, et ne le feraient pas sortir parce que Trump c'est leur allié puis tout. Puis là, Vladimir Poutine a répondu à ça que ouais, mais OK, en 2013-2014, Donald Trump, je veux dire, on le savait parce qu'on le connaissait de nom. C'est une vedette de télé-réalité. C'était une vedette de télé-réalité, oui. C'était un milliardaire américain, mais qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse avec ça? Qu'est-ce que ça donnait? On savait même pas, moi personnellement, je parle au nom de Vladimir Poutine. Moi personnellement, je savais même pas qu'il ambitionnait de s'en aller en politique, puis je pense que personne à ce moment-là s'y attendait. Ouais, apparemment qu'il ne parlait beaucoup en 2000, mais qu'il avait abandonné le projet. Ouais, mais tu sais, il y a une différence entre faire ça. Tu sais, on s'entend que Trump garoche bien des trucs en l'air dans la vie, je veux dire, il est connu pour ça. Ouais. Une différence entre garocher ça en l'air dans une entrevue, dans une émission de variété, puis le faire pour de vrai. On s'entend, surtout qu'il est connu pour dire un peu n'importe quoi, un peu tout le temps. Donc, c'est ça. Donc, on s'entend que Vladimir Poutine n'écoute probablement pas beaucoup de TV américaine dans la vie. De pas écouter Jimmy Kimmel le soir, lui. Je serais surpris. Il écoute Fox News, sûrement, non? Sûrement, peut-être. Mais je sais pas. C'est ça l'affaire, c'est que ça, tu sais, Fox News, on se dit, ah, c'est oui, les gros conservateurs, puis tout. Et ça, l'affaire, c'est bien difficile de dire si Poutine représente un conservateur ou un genre de kind of libéral, mais sur des affaires, mais. Tu sais, ça, là, ces choses-là, une grille comme ça, là, c'est relatif. Ouais. Tu sais, ce que nous autres, on appelle la droite au Québec, c'est de la gauche aux États-Unis. Ouais. Tu sais, nous autres, on trouvait que Obama, il est donc de gauche, puis tout ça, tu sais, parce que d'un point de vue américain, il est très de gauche et très progressiste. Tu l'amènes ici, puis Obama, c'est de la droite molle, là. C'est pas de la gauche, là, par rapport à ici, là. Puis nous autres, en France, ceux qui s'appellent, tu sais, on faisait des farces sur la droite puis la gauche à mon émission lundi, avec Tania d'ailleurs. Oui, bonjour. Mais que, tu sais, souvent des choses qui vont être de la droite en France, ben ça reste de la gauche ici quand même. Ouais, c'est ça. Nous autres, ils nous trouvent bien à droite ici, en France. Fait que, tout ça, c'est relatif. Fait que, y a beaucoup c'est très, très teinté culturellement. Donc, je pensais pas parler, c'était pas tant de ça que je voulais parler. Est-ce que parler. Tu vas encore nous dire que c'est une chronique avec pas de casque? Ben, parce que t'es dû, là, t'es dû pour le dire. C'était une chronique moins casquée que d'habitude. Okay. Moins casquée que d'habitude. C'était surtout une chronique de « je sais pas quoi faire », parce que j'avais comme plein de choix égal intéressant. Là, je suis parti sur une dérape un peu sur une affaire que je pensais pas que ça serait ce que je parlerais le plus. Tu vois, c'est que t'as pas encore, pas mal. T'as pas encore une émission de 3 heures, comment ça se fait? T'as juste une heure, toi, le pire, du matin. Le pire, c'est que des fois, on a de la misère à la foulée. Je sais pas comment qu'on fait. Ah oui, ça dépend. Mais on n'a pas le même format qu'ici. Ouais. Puis c'est plus on vous laissez parler l'autre. C'est ça l'affaire. Ouais, mettons. Non, mais c'est qu'on a chacun nos petits segments, puis on parle de tel sujet, puis tel sujet, puis on a assez structuré nos affaires. C'est plus structuré, c'est ça l'affaire. Puis étant donné ça, ben j'ai l'impression qu'on... c'est plus dur de faire notre temps parce qu'on se permet pas de partir sur des dérapes. Ouais, vous faites des Hillary Clinton de vous-même en vous surpréparant. Ouais, peut-être. Ouais, c'est peut-être un peu ça parce que, tu sais, comme là, souvent, je fais des chroniques avec podcast, puis même, tu sais, comme mes chroniques ici durent minimum une demi-heure. Ouais, ouais, ouais. Donc, la moitié de mon émission le du lundi. Le fond dure 35 minutes et on se rend à la fin des fois. Parfois. C'est ouais. Arrivé la semaine. Comme la semaine dernière. Ouais. Fait que, ben oui, c'est des choses qui arrivent. Fait que, tandis qu'à notre émission, ben je peux prendre facilement, je prends l'avant-midi pour me préparer. Notre émission est à 11h. Ouais. Je prends l'avant-midi, j'arrive à chasse à 9h, 9h30. Puis je me suis préparé avant. Là, ouais, ouais, ouais. Tu vas chasser de la préparation. Avant l'émission? Ouais, je vais chasser bon. Avant l'émission. Un vrai fan de Vladimir Poutine. Là, il est là en torse nu avec son chevreuil. Puis... Son ouais, c'est ça avec mon tartare de bœuf. Oh, gratuite pour la chasse. Ah. Mais ouais, j'espère qu'ils vont m'en donner un gratis à cause de ça. Bah... Je fais une pub. Salutations à Marie qui est la cuisinière. Marie quelque chose, on a su hier. On a su Marie Lagaffe. Ouais. Ah, bon. Bon, c'est ça. Eh bien. mais pour revenir, en fait, bon, je parlais aussi rapidement de d'autres sujets que j'aurais eu le goût d'aborder aujourd'hui. Il y avait Pierre Moreau, j'ai l'impression que ça va revenir anyway. Parce que Pierre Moreau, qui est-ce? C'est un ancien avocat qui a été député libéral au PLQ, au Québec, dans le fond, qui a eu plusieurs ministères et qui, rendu là, est assez reconnu pour être le ministre des... Il n'y a pas une spécialité d'un ministère. En fait, lui, sa spécialité, c'est de... C'est le monsieur job de bras, en gros. Okay. Patrick Groulx du gouvernement. Quand Jean Charest et maintenant Philippe Couillard ont une affaire pas le fun à passer dans la vie, une affaire qui sera pas populaire, ah ben quand on va faire un petit remaniement ministériel puis on va placer Moreau là. Oh, on va lui mettre les gants de plastique là puis il va pouvoir s'insérer en fait, ça. Moreau c'est plus c'est, parce que c'est quand même c'est, si vous le voyez en entrevue c'est quand même quelqu'un d'assez bon, c'est un avocat, c'est un gars avec l'éducation, il parle bien, il est assez articulé, il est assez bon. Mais ça serait plus le Rambo de la gang, okay. En fait. Puis c'est pas, il dégage pas du tout la même chose que Rambo Gauthier, là, tu sais, là. Ok, ouais, FTQ, là. Est-ce que c'est pas lui qui était tombé malade l'année ouais, dernière? Exactement. Ok, c'est ça. Il y a eu une infection en quelque part, on sait pas où, puis que ça l'a rendu très malade. En fait, c'était probablement une mangeuse de chair, un truc comme ça, là. De façon qu'il parlait, mais j'ai pas su c'était quoi. Puis moi, ça a rendu deux choses sur le potin, c'est pas ouais. Nos ouais, c'est ça. Il était bien malade. Fait qu'il a été en congé pendant presque un an. Même plus qu'un an. Ouais, je pense que oui. Là, il est revenu, puis là, on lui a donné le trésor qui était à Carlos Letao depuis le dernier remaniement ministériel. Carlos Letao qui cumulait le Conseil du Trésor et le ministère des Finances. Fait que là, Letao redevient seulement, entre guillemets, parce qu'on s'entend, c'est déjà un moyen ministère, ouais. Surtout avec ce gouvernement-là. Est-ce que je peux vous avertir et faire un gag inapproprié? Ouais, vas-y. Vas-y. Si seulement la mangeuse de chat y avait enlevé sa jambe, il aurait pu être le vrai pirate du trésor. Tellement de mauvais goût, vraiment. Celle-là. Ouais. Tu l'avais-tu fait dans le temps de Lucien Bouchard, celle-là? Non, j'étais pas là. Ah, ouais. Vu de même. Dans le bon vieux temps, c'est fou. Hein? Ouais, c'est ça. Ça. Dans le bon vieux temps du PQ aussi. Bon, prochainement, Mathieu. Réfléchis si tu devrais la dire. Ok, attends, je vais me rattraper en vous lavant les oreilles en faisant une blague de Tomorrow, tomorrow, I love you. Tomorrow, you're only a day away. Je sais pas si. Je suis pas sûr que ça rattrape beaucoup. Non. Ouais, non plus. Passons. Donc. C'est ça, Pierre Moreau qui est devenu ministre du Trésor. Ben, en fait, c'est le responsable du Trésor, mais c'est ministre du Trésor dans le fond. Qui est un. Pourquoi je disais ça donc? Et crime que je suis déconcentré, ça n'a pas de sens. Vraiment, wow. Sérieusement. J'ai jamais réussi à faire ça comme ça. C'est, mais je suis complètement okay, déstabilisé. Mais on parlait de Carlos Letao. Ouais, c'est ça. Carlos Letao qui va s'occuper du budget, qui est bon, son dada. Le principal dossier, puis là, c'est ce qui a été amené. Le principal dossier, en fait, c'est que depuis près d'un an, les avocats et notaires employés du gouvernement sont en négociation salariale. Puis là, ça fesse fort. Puis là, ça cogne. Parce que ça faisait déjà pas mal plus qu'un an qu'il avait plus de convention collective, parce qu'ils sont tous syndiqués, évidemment, les employés de l'État. Donc j'entends mon Samuel Girard trépigner sur sa chaise. T'es tout le temps en train de faire référence à notre animateur de droite jeudi 9h30. Ben oui, mais il faut le faire à un moment donné, il faut bien qu'on se plug entre nous autres. Ben oui. C'est ça. Est-ce que c'est la même chose? Et ça relance la balle, je pense. Moins que nous autres, ouais, je pense. Ouais. Honnêtement, beaucoup moins. Mais il s'en porte plus. Ouais. Fait que, tu sais, il a moins le temps de penser à nous autres. Nous autres, on pense à lui. Ouais. Nous autres, on y pense à notre petit. C'est les gens de droite, ils parlent. Ils pensent pas tellement. Ils pensent juste à eux, c'est ça. Mais bon. Ouais. Mais nous, ils nous plaquent des fois aussi. Les gens de droite pensent juste. C'est une blague, voyons donc. Les gens au premier degré. C'est pas totalement faux. Je sais qu'en onde, ils riennent nous autres parce que son. Tu sais, il disait que pour nous autres, tu sais, notre émission, c'est la sortie de secours est à votre gauche, ouais. Mais lui, il disait la porte d'entrée est à droite. Ah, c'est drôle. Bon. Bref. Salut, Sam. On va vous laisser. Salut, Sam. on va laisser ça. Ouais, c'est ça. À toutes les fois que je dis employé de l'État, je pense à lui, en fait. Mais bref. Les avocats et les notaires employés de l'État québécois depuis trop de mois ont non plus de convention collective et ont fini par décider de faire des moyens de pression. Donc là, ça va pas bien. Ça se négociait pas fort. Là, les mauvaises langues vont dire que c'était du côté du gouvernement que ça se stallait pour éventuellement justifier une loi spéciale. D'habitude, l'arrivée de Pierre Moreau fait que c'est pas mal le cas finalement, parce que c'est là encore, c'est pas mal celui qu'on envoie juste avant d'envoyer une loi spéciale. C'est encore plus drôle parce que c'est sa gang, c'est les juristes. C'est un ancien avocat qui a travaillé pendant longtemps, qui a travaillé près de 20 ans comme avocat. L'autre chose que je trouvais un peu drôle, c'est que dans l'annonce de la nomination de Pierre Moreau, Philippe Couillard disait que « Ah ouais, tu sais, on fait un... » pour justifier son remaniement, parce qu'évidemment, ça, c'est le côté que l'opposition n'est pas tout le temps même fine. L'opposition, on s'entend du moment que le gouvernement fait quelque chose, trouve comment est-ce qu'ils vont critiquer ça. Mm-hmm. « Ah, encore un remaniement ministériel, ça n'a donc même pas d'allure. On a encore un remaniement ministériel. C'est parce qu'il fait pas confiance à son équipe. » Bon, les affaires habituelles, là, que c'est rendu qu'on les écoute même pas tellement, parce que c'est tout le temps la même affaire que ça va dire. Si le PQ est réélu en 2018, parce que je suis tout mêlé parce que ça parlait du fédéral la semaine dernière. Okay. En 2018, quelque part des élections, si, mettons, le PQ est élu, parce que là, on sait pas s'ils vont s'enliser. Ah, j'ai eu le mot plein. Oh, drôle, oh! Ben, même moi, j'aurais pas fait ça. Hey, mais, ou si, mettons, advenant que le PQ soit élu, on s'entend, si quand le PQ va faire des remaniements ministériels, les libéraux vont dire la même affaire, puis bon. Bref, ça, on le sait, c'est classique. C'est rendu classique, malheureusement. C'est de la petite politique habituelle. Du moment que l'autre fait quoi, faut trouver comment qu'on chiale. Ben oui. Donc, remaniement ministériel, Philippe Couillard justifie, ah ben tu sais, on fait de la place à du 109, puis on ramène, tu sais, c'est faire un mélange de d'expérience, puis de 109, puis des affaires de même. Mais là, il est-tu en train de dire que Pierre Moreau, c'est du 109? Il a 59 ans, Colin, on va en revenir. Ouais. Il s'est fait prendre en photo avec sa petite fille. Ouais. Tu sais, il est grand-papa. Il est grand-papa. Puis là, bref. En tout cas, j'espère que c'était pas à lui qui faisait allusion, mais c'est parce que le remaniement ministériel, c'était lui puis Carlos Letao, puis Carlos Letao est encore plus vieux. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, bref. Ça, c'était un autre sujet que je pensais pas m'étendre beaucoup dessus. Finalement, en fait, je pense que là, aujourd'hui, c'était pas nécessairement une chronique avec podcast, une chronique avec pas de sujet. Ah, avec trop d'affaires. Avec trop d'affaires. Enfin, finalement, je pense que je vais parler d'à peu près tout. Un melting pot, c'est ça. C'est le fun. Ouais. On en parle. Une chaudrée de palourde. C'est ça. Hein? Hein? Voilà. Bon, hein? Fait que là, c'était si, pas si mal. Si c'est 109, il faudrait faire attention parce qu'on va perdre sa job. Rock 100,9. Oh. Mal à l'aise. Mal à l'aise encore, ouais. Ouais. qui ferme ah, ses portes. Pour... Ouais. Là, j'ai l'impression qu'on est dur avec toi matin, Mathieu. Je vais quand même souligner le fait que tu portes un t-shirt de la GameCube. Oui. Moi, ça me parle beaucoup. Ben, le mercredi, c'est mon ma journée où j'ai comme envie de mettre des t-shirts geek, geek quoi, à cause de l'émission. Mathieu Planchot. Tu m'as deviné, voilà. Toi. Hein? Tu l'avais vu. T'avais vu ce lien-là. J'espérais que ça soit un peu à cause de moi aussi, parce que j'aime bien les vieilles consoles, moi aussi. Ah ouais, mais non. Comme j'aime le dire, je suis pas un gamer console ou un gamer de quoi que ce soit. Je suis un gamer cheap. Quand c'est vieux, ça coûte pas cher. Moi, je suis un gamer rétro. Ah. C'est un peu la même chose. C'était pas la même chose, c'est juste pas la même motivation. C'est ça, exactement. Est-ce que t'avais déjà fini? T'avais tant d'affaires? Non, j'ai pas encore. Me semblait aussi. Parce que non, hey, il me reste encore 10 minutes, calme-toi. Ouais, dis n'importe quoi. Dis n'importe quoi. Non, en fait, j'avais un autre sujet, c'est, ce que, c'est peut-être ce que je pensais le plus parler, mais en même temps, ça aurait demandé plus de recherche que ce que j'en ai fait. C'est les délateurs aux États-Unis. OK. Mm-hmm. Parce que c'est la grosse nouvelle d'hier, en fait, à l'international. C'est Chelsea Manning qui avait un autre prénom avant parce que en fait durant le processus judiciaire elle est devenue une femme, était un homme avant. Puis là honnêtement son prénom Bradley mais c'est plus important. Bradley, c'est fini, cette histoire. C'est ça, moins pertinent mais parce que ça rappelle un peu plus quand j'ai vu j'étais comme c'est qui Chelsea Manning. Surtout quand j'ai vu Bradley médias, Manning j'ai fait ah je oui. Je sais pas si vu dans les médias ils ont une seule photo de Chelsea Manning, une seule photo en noir et blanc prise avec genre une webcam des années 90. Ouais. Fait qu'ils montrent tout le temps les photos de Bradley Manning en boucle. Puis là, les gens, les commentateurs, les collaborateurs sont tous... mal à l'aise. Hey, c'est fatigant, ça. C'est malaisant, oui, honnêtement. Les animateurs les reprennent, mais c'est elle. Mm-hmm. Donc, ça m'énerve tellement de voir ça. Bradley slash Chelsea Manning. Chelsea Manning. À partir de maintenant, on va dire Chelsea voilà. Manning dans ma chronique. Je parle comme les animateurs américains. On dit elle et rien d'autre. Voilà. Voilà. Donc, Chelsea Manning, qui est-ce? Oui. C'est ouais la qualité de la photo t'as bien c'est la seule photo que la qualité de la photo me rappelle les vidéos de chat sur MSN quand j'étais au début les de secondaire vidéos de chat sur MSN c'est je voulais pas savoir ça ce matin. Mon Dieu que l'esprit mal tourné matin Mathieu. Non. Mathieu a tout le temps l'esprit mal tourné. Non on va mettre ça au clair. Ouais donc Chelsea Manning qui est-ce? C'est une ancienne soldat américaine. Je te check américaine oui. Hey, ça va être dur les pronoms matin. J'étais pas prêt pour ça. Donc, c'est ça. C'est une personne qui fut soldate américaine. Aïe, aïe. Hey, ça commence mais non, mais mal. Lorsqu'elle était là, elle était ouais, un soldat. Ouais, c'est ça. Bon, fait que là, on va mettre ça au clair. Bon, c'est ça. Donc, elle a travaillé dans l'armée américaine au poste de soldat. Oui. Au soldium, comme ils disent en latin, je pense. C'est ça. Soldatum. C'est ça, soldatum. Bref. C'était même pas ça qu'il disait en plus les mais bref on va arrêter ça là, on va arrêter ça tout de suite donc c'est ça pour l'armée américaine a vu des choses qui avaient pas d'allure a leaké des vidéos dans le fond a envoyé des vidéos à WikiLeaks si vous savez pas c'est quoi WikiLeaks attendez un petit peu j'arrive là j'arrive sur le sujet pas là des vidéos entre autres de soldats américains qui ont à partir d'un hélicoptère qui ont tiré sur des probablement civils en là je me rappelle plus si c'était en Irak ou en Iran, c'était pas en Iran, c'était en Syrie ou en Irak, un truc comme ça. C'est en Syrie parce qu'on le voit dans le film Snowden. Ouais. Bah, okay. On va dire au Moyen-Orient, mettons. Donc, pour ça, ça c'est, ouais. Ouais. Donc, au début, ce qu'elle a fait, dans le fond, a fourni certaines vidéos comme ça, assez accablant pour les États-Unis. Mm. Puis certains documents tout autant accablants, je pense qu'il y avait un peu même de torture. Ça, c'était plus Snowden, a remarqué. Des fois, je me mélange un peu dans entre fond, les deux, quelques qui a sorti quoi. Ben, les deux s'encouragent, en fait. Ça ressemble en plus, hein? Parfait. Ben c'est vrai. Mais l'histoire est pas pareille pendant tout, par contre. Là, non, mais c'est ça. Snowden, on a vu sur Twitter, elle l'a encouragé dans son processus. Mm-hmm. Et j'allais dire que, donc, elle a sorti des secrets qu'elle voulait que le public sache, que le public méritait de savoir, mais de l'autre côté, on la traite de traître. Oui. Parce que ça a fait très mal paraître les États-Unis. Il y avait des choses qui étaient classées secret défense là-dedans, évidemment. Mais en même temps, on se dit, ben, à un moment donné, c'est qu'il faut que l'armée américaine soit redevable de son peuple. Mm-hmm. Donc, c'est quand même un geste assez... Noble, humanitaire, on pourrait dire. Donc, d'où le pardon dont on, j'imagine, parlera exactement. Plus tard. Ce qui est arrivé, c'est que Chelsea Manning a été condamné à 20 ans de prison, si je me rappelle quelque bien. Quelque chose comme 35. C'était... c'est 20... D'après moi, c'est 20 ans, 35. En fait. 35? Ça s'est passé en 2010. Parce qu'elle était supposée d'être libérée en 2045 seulement. Ouais, c'est ça. Et je me rappelle qu'elle n'avait pas été pardonnée, en fait. Ah, c'est ça, 35. Sa sentence était commutée, comme on appelle en anglais. Ouais. Donc, réduite. L'affaire, c'est que la sentence a été commutée pour qu'elle finisse, au lieu de finir en 2000... J'ai dit 2045 ou 2035, bref. L'important, c'est que ça va être fini en mai. C'est ça, ça va finir en mai à la place. Puis ça, ce qui était arrivé, c'est que Julian Assange, Le père de WikiLeaks. Le père de WikiLeaks, mais qu'en fait, ça, c'est touché, en fait. De certaines choses qu'il aurait dites, que j'ai entendues à certaines places, en fait, ça serait plus le paratonnerre de WikiLeaks. Ah, oh! C'est lui qui prend le blâme pour tout. Parce qu'on s'entend, c'est pas lui qui met les choses en ligne. Non. WikiLeaks, c'est une équipe, c'est juste que les autres restent dans l'ombre, travaillent de dans le plus grand secret possible pour ne pas se faire pogner. Ouais, quand même. Et on envoie Julian Assange, en fait, sa job, c'est de se faire éclabousser. OK. C'est lui qui mange comme Donald Trump. Ouais. Il aime ça WikiLeaks, Donald Trump, parce que ça parle de fuite. Elle avait été condamnée en 2013. Tantôt, on n'était pas sûr de la date. Là. C'est 2013. Fait que ça serait un 32 ans. Ouais, exact. 32 ans de prison. La prison à vie au Canada, c'est 25 ans, pour dire. Là. Quand même assez intense comme... Donc, Julian Assange a dit que, dans le fond, depuis 2012, il est réfugié à l'ambassade de... Ah, je m'en rappelle jamais parce que c'est deux pays. C'est l'Uruguay et le Paraguay. Je ne suis pas certain ce coup-ci. En tout cas, moi, j'ai arrêté de suivre là-dessus à un moment donné. Pour ne pas être extradé, soit en Norvège, où parce que lui, il est originaire de là, si je me rappelle bien. Non, Suède. Il est suédois. Où il y a des grosses allégations d'agression sexuelle contre lui. Ouais. Lui, il dit que c'est un complot, puis que ça sert, puis que c'est là qu'il avait expliqué d'ailleurs c'était quoi sa job réellement par rapport à WikiLeaks, c'était de se faire éclabousser. C'était d'être la figure publique qui se fait rentrer dedans partout, puis tout le monde. Puis, ben, c'est ça. Lui, il prétend que c'est pas vrai pantoute, mais que c'est clair qu'il perd son truc parce que. C'est un complot contre lui. Bon, là, la santé mentale là-dedans, ça a l'air un peu touché. Ça reste que, bon, c'est ça. Puis l'autre place où ce qui pourrait se faire extrader, ben, c'est aux États-Unis parce qu'il y a des chefs d'accusation de complot, d'un paquet de choses contre lui, d'espionnage, d'envoyer par là. Donc là, ben, lui, il vit en danger. Puis ce qu'il disait, c'est que si Obama pardonne Chelsea Manning, ben, Assange va se rendre à la justice américaine. OK. Il est réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres. Équateur. Mais à Londres. C'est ni Paraguay ni Uruguay. Ouais, j'étais pas dedans pendant. Mais l'Équateur, c'est le même coin en fait, c'est l'Amérique centrale. Mais c'est ça, je me suis trompé de pays. Je suis désolé. Donc, ça m'apprendra à ne pas m'informer, hein, les jeunes. C'est important de s'informer. Ouais, ben, c'est pas les détails. C'est important, mais dans l'histoire, mettons qu'un pays en tant que tel l'héberge. Ben, dans la vie, si j'étais à l'aise avec moi, pour être à l'aise vraiment avec moi-même, je l'aurais cherché avant. Rieur, ouais, ouais. Rieur. Ouais. Bref, merci, Tania. Ça fait plaisir. Soit dit en passant, je ne suis pas payé pour faire ça. Non. Et je n'ai pas de recherchiste à mon compte. Donc, Tania est en recherchiste. C'est ça, Tania le fait pour moi en direct. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Donc, c'est ça. Donc, Julian Assange, WikiLeaks, j'ai dit que j'en parlerai rapidement. Si vous ne savez pas encore c'est quoi, en gros, c'est un site Internet qui fait couler des documents souvent confidentiels contre les qui montre le côté obscur des élites mondiales occidentales présentement. On les appelle les whistleblowers, les tireurs de sifflets. Les whistleblowers, techniquement, en fait, c'est les gens qui sont dans la place et qui envoient les documents à WikiLeaks. À la Snowden. À la Snowden. Ouais. Snowden, c'est le meilleur exemple, en fait. Edward Snowden, c'est un ancien analyste de la CIA qui s'est poussé avec des documents confidentiels parce que lui trouvait que ça n'avait pas d'allure ce qui se passait. Snowden, lui, ça a été plus sur le point de vue interne. C'est-à-dire, lui, ce qu'il a dénoncé, c'est comment est-ce que la CIA, entre autres, puis le FBI... Ben moi, le FBI, c'est vraiment plus la CIA. Mm-hmm. Puis la NSA. Non, lui, c'était la NSA, en fait. Ouais. C'est les... En gros, c'est trois agences avec trois acronymes, c'est tout... Mais là, un peu... National Security Agency, si je me rappelle. Ouais, c'est ça. T'as la CIA, que ça, c'est les affaires extérieures. Ouais. La CIA, là, les espions là, dans les films. Là, ça, c'est tout, à l'extérieur du pays. Ils n'ont même pas le droit d'agir à l'intérieur du pays. Exactement. Le FBI, en fait, c'est l'équivalent de la GRC. Le Federal Bureau of Investigation. Exactement. Ça, c'est les affaires internes. C'est mettons quand que tu es policier, le plus haut, là, la job, celui à la coche que tu peux aller chercher, c'est enquêteur à la FBI, au FBI. Ou ben, le rendu, il y a des grades, là, les enquêteurs seniors, tout ça. Là. Mais le FBI, là, c'est vraiment la police ultime américaine. Ouais. C'est vraiment ça. Fait que c'est vraiment les affaires internes, mais le FBI, c'est les affaires au grand jour, mettons. On s'est fait passer, mettons, c'est ceux qui écoutaient Roswell au début des années 2000, quand on était adolescent. On disait, le FBI, tout ça. Mais en fait, le FBI, c'est ce qui enquête, c'est les gros crimes, c'est les grosses affaires américaines. Ouais. Ils vont contribuer sur les enquêtes par rapport aux terroristes, ces choses-là, mais souvent c'est conjointement avec la CIA, parce que l'FBI n'ont pas juridiction en dehors du territoire américain. Et finalement, la NSA, c'est en gros ceux qui font la même job que la CIA, c'est les espions, mais internes. Mm. C'est eux qui font la surveillance à l'interne. Justement, les complots terroristes, c'est pas mal ça. On entend moins parler parce que leur job est plus dark. Ouais. Et Snowden était analyste. Qu'est-ce qu'un analyste, en fait? C'est les agents qui sont devant un ordi, en gros. Là. Ouais. Eux autres, c'est souvent des gens qui sont formés, mais qui sont pas formés à faire la job de terrain. Pour ceux qui ont vu la trilogie de Jason Bourne, qui est rendue une quintilogie, d'ailleurs, dont un avec Paul Greengrass et pas Jason Bourne, là, en tout cas. Mais le personnage de Nikki, entre autres, c'est ça, une analyste. Mm-hmm. Sauf que ça dit quelque chose, là, la blonde qui est là tout le long. Là. C'est ça, devant les ordis, qui aident les agents de terrain, qui font les analyses, ils ramassent un paquet de documents, ils mettent ça ensemble, essayent de comprendre ce qui se passe. C'est de la job de bras mental. C'est un peu comme les recherchistes. Ouais, ouais. C'est des recherchistes. T'es donc bien rempli d'humilité. Ben là... Tania n'est pas recherchiste pour vrai. Non, c'est ça. Je suis ma propre recherchiste ici. Alors... On l'est tout un peu ici. Ouais. C'est ça. Faudrait que C'est fou nous développe des budgets pour des recherchistes. Pour que David Ferron fasse la job de tout le monde. Ouais. Ouais. Ben moi, c'est une job que j'essaierais. Moi, honnêtement, là, être payé pour faire ça, ça me tenterait. Ben oui. Faire la recherche pour un peu toutes les émissions, ce serait cool. Bref. Je suis d'accord. Je me verrais faire la recherche de Sam, justement. Serge Girard. Il va liker les petits mots une fois de temps en temps. Mais, non, c'est ça. C'est, on est rendu loin, mais c'est ça. Snowden travaillait pour la NSA, en fait. Puis lui, ce qu'il a fait leaker, c'est qu'il s'est rendu compte à quel point est-ce que, en fait, les services secrets américains espionnaient leurs propres citoyens, puis ça n'avait pas de bon sens. Puis lui, c'est ça qu'il a leaké à Wikileaks. Ouais. Puis pour ça, il a été considéré comme un traître à la nation. Oui. Lui, il a réussi à se pousser, par contre. Il a été protégé, entre autres, par la Russie, si je me rappelle bien. Puis là, depuis ce temps-là, ben, il commente sur Twitter beaucoup. Mm-hmm. Il est toujours là-bas, si je me souviens bien. Ouais. Il est comme... En fait, je pense que, si je me rappelle bien, la Russie le considère comme un réfugié politique. Oui, exactement. Ouais. Parce que je pense que c'est vrai, en fait. Carrément. On n'est pas habitué de se faire... Moi, j'appelle ça se faire mettre le nez dans le caca, là. En tant qu'occidentaux, tu sais, puis il se passerait probablement la même chose. Au Canada, on n'a pas eu de leak comme ça, on n'a pas eu de whistleblower de même, qui est devenu une vedette un peu comme ça, qui a été connue internationalement, puis tout. En fait, on n'entend pas parler au Canada de ce qui se passe de ça. D'ailleurs, je sais pas si on devrait être inquiet ou s'en réjouir, là. Est-ce qu'on les élimine avant? Ouais, c'est ça. La GRC est plus efficace que la NSA, dans le fond. Flèche dans le cou, c'est fini. Parce que, ouais, nous autres, c'est la CRS, les services secrets. Ouais. Mais la CRS, c'est plus l'équivalent de la CIA, en fait. Là, c'est plus à l'extérieur. Mm. Mais les mandats sont pas tout à fait aussi délimités de la même façon qu'aux États-Unis. Fait que, en fait, on les connaît moins. C'est ça qui est drôle. C'est moins. On n'entendra pas parler du CRS dans une série de TV, mettons. À moins qu'elle soit canadienne pure et. Ouais. Puis même là. Remarque, moi, j'écoute pas beaucoup de TV canadienne. T'sais, j'écoute des TV américaines, de la TV québécoise, mais de la TV canadienne. Il y a bien des séries américaines qu'on pense qui sont américaines, qui sont en fait canadiennes, mais ils font exactement comme si c'était une série américaine. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est le FBI c'est qu'on ça. Va entendre. S'ils veulent la vendre d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est parce que le Canada est un small marché. Et voilà. Hein? Hey, Catherine Lamarck. Rock et Belles Oreilles. Ah, OK. Ben, là, c'est Rock et Belles Oreilles. T'as raison. J'ai vu juste le plugger le show de Catherine Lamarck au carnaval. La chanson, c'est la tune des la chanson de Rock et Belles Oreilles, I Want to Pong. Oui, oui, oui. Il lui dit Québec est un small marché, mais on se comprend. Ouais. Okay. Donc, c'est ça, WikiLeaks. C'est ça. WikiLeaks, Edward Snowden, Chelsea Manning. Et c'est tout. Merci. C'est tout. Voilà. Mais c'est ça, en fait, c'est que ce qui est plate, c'est qu'en fait, toutes ces personnes-là, puis c'est ça qui est dit des fois, c'est que ça devrait être reconnu comme des héros, en fait. Mm-hmm. Edward Snowden, là, sa vie n'est pas si le fun que ça, là. Il peut plus voir sa famille, il peut plus lui servir. En n'importe où qui ont des accords d'extradition vers les États-Unis, il est fait. C'est-à-dire qu'il peut pas vraiment sortir de la Russie à ce temps. Il y a pas beaucoup de pays qui extradent pas vers les États-Unis. L'Équateur, c'est un cas. Peut-être en Amérique du Sud, il va avoir un petit peu plus d'alliés parce que l'Amérique du Sud, ça, c'est tout un autre sujet, mais ils sont pas tellement fans du polissage américain parce qu'ils en ont mangé pendant le 20e siècle. pour qui n'est pas au courant. On n'apprend pas souvent ça dans les cours d'histoire, mais les États-Unis ont eu leur propre petite période coloniale impérialiste, puis ça, c'était dans le 20... c'était le 20e siècle, puis c'était en Amérique du Sud que ça s'est passé. Okay. Fait qu'on entendait beaucoup les parler des gros dictateurs pas fins en Amérique du Sud. Ils sont devenus pas fins le jour qu'ils sont tannés de suivre les ordres des boss américains qu'ils avaient placés là. Mmh. En gros. Donc, c'est ça. On se fait dire beaucoup l'Amérique du Sud, ça se passe donc pas bien, puis tout ça, mais en fait, ça se passe mieux depuis qu'ils ont sorti un peu l'influence américaine de là. C'est pas des grands fans, justement, comme je disais, de la souvent. Là, je parle très généralement parce qu'on s'entend que l'Amérique du Sud, c'est pas un pays, c'est beaucoup de pays. Fait qu'ils ont toutes leurs manières de gérer ça différemment. Mais la tendance générale, c'est de pas être très fan des politiques extérieures américaines. Donc, probablement que des personnes comme Snowden ou Manning auraient des alliés là. Manning n'a pas été capable de sortir des États-Unis à temps avant de se faire pogner. Mm-hmm. Mais là, au moins, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est un peu le portrait global de ce qui s'est passé avec ça. Obama, c'est ça, comme un dernier geste, a comme commuté la sentence. Puis quand je dis un dernier geste, c'est probablement une des dernières choses qu'il va avoir le temps de faire, ouais, en tant que président. Absolument. Commuté la sentence pour qu'elle finisse, c'est ça, au mois de mai qu'on a dit. Mm-hmm. Donc, il reste 5 mois. 4 mois même. C'est 5 mois. 5 mois. Environ. Je suis réveillé à matin, moi, c'était frais. Je veux mon café pendant la chronique, je sais jamais ça. Non. C'est ça. Donc, là, par contre, c'est un peu jouer ses mots. Assange disait si Obama graciait Manning, dans le fond, changeait le verdict, en gros. Dire que Manning est finalement innocente. Il se donnait à la justice américaine, se remettait à la justice américaine. Par contre, là... Comme on l'a dit tantôt, c'était pas un pardon, c'est seulement... C'était pas un pardon, c'est juste pardonner, j'aurais dû dire, mais c'est ça, il a juste réduit la sentence. Est-ce que Assange va dire « OK, c'est correct », puis va... probablement que non, honnêtement, okay, parce qu'il s'attendait pas, c'est pour ça qu'il a choisi ces mots comme ça, mm-hmm, il s'attendait pas à ce qu'il y ait un pardon non plus. Tu sais qu'un pardon implique que le gouvernement américain dédommage Manning pour pour les torts encourus par le fait qu'elle est emprisonnée depuis un petit bout, ouais, puis pour ses frais d'avocat, puis un paquet d'affaires comme ça. Il s'est passé bien des choses en prison aussi dont on n'a pas trop parlé et dont on ne parlera pas. Hein. Ouais, parce que j'imagine qu'une personne trans en prison, ça doit pas être très drôle. Pas cool. Donc, ce qu'il se passe, c'est cela. Et ce qu'il se passe, c'est que j'ai fait mon temps et que je pense que la track de musique va être sur le bord d'arrêter. Il reste encore 2 minutes. Pas si pire, on s'en tire bien. Donc, pendant ces 2 minutes, je vais vous faire un rigodon. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est pas mal tout pour un matin. Je pense qu'on a passé un éventail de sujets. Absolument. Ce matin. Hein? J'ai commencé avec le Trump, Trumpistan. C'est ça. Pierre Moreau. Hein? Pierre Moreau ensuite. Le bébé remaniement ministériel. C'est un petit remaniement. C'est un remaniement-nette. Hein, oh, wow. Dire. Roman de poche. Ouais, c'est ça. Remaniement de poche. C'est ça. Puis finalement, on a parlé des whistleblowers de WikiLeaks, Julian Assange. Edward Snowden, Chelsea Manning, les gens qui ont critiqué les États-Unis sur un paquet de trucs. Fait que c'est ça. Et on se sent plus informé maintenant. Voilà. Ouais, ouais, c'était ça le but. Ça fait quelques fois que je le mentionne, mais le film qui est sorti récemment qui raconte justement l'histoire de Snowden, si jamais vous voulez voir de quoi ça a l'air de se faire courir après par le gouvernement, regardez-le, c'est quand même très très bon comme film. C'est quoi? C'est Joseph Gordon-Levitt, je crois, qui joue là-dedans. Oui, exactement. Ça a l'air bon. Et qu'il est excellent. Oui, ben il est très bon. Ben, ouais. Ouais, il est un petit peu plus cute que Snowden, par contre. Oui, ouais. Et que Chelsea Manning, hein, Tania? Non, je parlais pas de Chelsea Manning, je parlais de qui elle était avant. Ah, d'accord. Merci, Seb. Merci à vous. On te retrouve la semaine prochaine, et mercredi à 7h30. Oui, et on retrouve ton t-shirt de GameCube aussi la semaine prochaine. Oui, non, je vais changer. Ça va être Mario. Probablement. On verra. Il alterne. Ben, j'en ai plusieurs. J'en ai comme une bonne dizaine de t-shirts geek. Ouais. Bref, c'est le mercredi que ça se fait. Tania a un petit regard de dégoût dans sa face. Non, et c'est pas grave, parce absolument. Que parlant d'avoir un petit dégoût dans la face, le fond vient de se terminer et ça m'amène à chanter Tomorrow. Non, non. Tomorrow. S'il vous plaît, non, ne fais pas ça. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Pour l'écouter. 89.1. Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Slam Disc. Toujours à Assemblage Requis, ce mercredi 18 janvier 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Et Mathieu Plante, le gars qui se force là, pour faire des blagues que tout le monde comprend en disant tomorrow, tantôt. Comme pour puis Pierre Moreau. Puis en faisant jouer tomorrow. Ouais. Mais personne n'a compris. On n'avait pas trop compris la les deux, hein? Toi ouais, et Sébastien, vous n'avez pas compris ça. Bref, dans quelques instants, ce sera la chronique dans les coulisses de la Luitre avec notre ami Gabriel Béhoul qui est sur le terrain oui. pour parler du match d'impro de lundi. Juste après ça, on va avec Tania Jugola Entertainia dans quelques instants. Mais je pense que comme on avance, une petite pièce musicale après ça dans les coulisses de la Luitre. On est rendu là, ça te va ça? Ben oui, cool. Certainement. Donc voici Duo Tag et Karma Needs to Come Around à Assemblage Requis. Come around, Joe Tang, une pièce qui nous aide quand même à se réveiller un petit peu plus dans l'émission. Oh oui, ça met de bonne humeur. Maintenant, okay, oui. C'est dans les coulisses de la Luitre. Dans les les coulisses de la Luitre, la chronique dans laquelle on parle d'improvisation, parce que les matchs de la Luitre ont lieu tous les lundis soirs à 20h, sauf pour la semaine prochaine, où ce sera le match du Carnaval. On va avoir l'occasion d'en reparler tantôt, mais ce sera jeudi à 15h30, le match du Carnaval, en direct du 10-12. Mais c'est pour dire qu'avant-hier, lundi soir, le 16 janvier, c'était un autre match des Oranges contre les Rouges, cette fois-ci, l'équipe de Gabriel Béhoud, celui qui est le capitaine, et justement, on a envoyé Gabriel Béhoud sur le terrain. Donc voici lundi soir, le matin. Allez, allez, allez! Vous écoutez lundi soir le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Je suis Gabriel B. Hood. Je suis près de la chasse-galerie pour un match de la Luitre, la Ligue universitaire. Vous devriez être au courant. Improvisation de Trois, je dis toujours là, Rivière. Ce match opposera les Rouges aux Oranges. Deux formations qui sont coude à coude au classement général. Et maintenant, place au face-à-face avec les vétérans. Face-à-face. Je suis avec les vétérans, les plus âgés, les membres du troisième âge de l'impro, Monsieur Jocelyn et Monsieur Marc-André. Comment attaquez-vous la deuxième moitié? Est-ce que les fêtes ont été dures pour vous? Ben Jocelyn, toi, je sais que tu as eu des grosses fêtes, peut-être en parlant en premier. J'étais complètement malade. Pas à cause de l'alcool, j'ai pas bu une goutte d'alcool durant les fêtes. J'ai eu une genre de labyrinthite, donc j'avais des vertiges constamment dès que je bougeais la tête. Je pouvais même pas passer Final Fantasy XIII, qui était mon objectif du temps des fêtes. Pour ma part, je suis allé dans Charlevoix. Alors, j'ai fait un stage intensif dans Charlevoix, des bains thérapeutiques, des spas, de la raquette et du skidoo. Donc, je suis en forme pour la deuxième moitié. Oui, c'était payé avec l'argent de la cruche de la Luitre, n'est-ce pas? Seulement pour la location de la motoneige. D'accord. Et ces moments de ressourcement pour vous deux, comment est-ce que vous pensez que ça vous aide à gérer des équipes de genoux, puisque c'est votre rôle un peu? Ben, ça va vite, le jeu de l'impro, maintenant. Nous, on est vieux. C'est important d'aller chercher des petites sources d'énergie là où ce qu'on peut. Manger des pâtes avant les matchs. Je me suis fait des lunchs pré-faites, congelés pour toute la session d'impro. C'est ça. Mais moi, j'écoute des matchs de la LNI dans le temps qu'il y avait à la Télé-Québec, mais je les écoute en accéléré. Donc, c'est comme aujourd'hui. Ça va vite, donc j'habitue mon œil et mon ouïe à jouer vite. Oui. Et vous parlez de la rapidité du jeu maintenant, mais vous venez de l'ancienne école. Vous avez joué dans d'autres ligues. Qu'est-ce qui est différent? Ben, qu'est-ce qui est différent, mon Dieu? Du tout au tout, c'est la salle qui a le plus de public à Trois-Rivières. Fait que ça, c'est sûr que ça joue différemment sur la pression qu'on a avant les matchs. Mais ce qui est différent, la Luitre, c'est que pour nous, c'est un environnement nouveau aussi. Et ça prend un certain nombre d'années avant d'être à l'aise dans une salle de jeu, je dirais. Ben, ce qui est agréable avec la Luit, c'est que les joueurs se renouvellent d'année en année. Des gens quittent le bac, quittent le Trois-Rivières pour aller ailleurs. D'autres arrivent. Donc, ça nous permet de... faut toujours être au vif. Faut toujours être prêt parce qu'il arrive d'un peu partout. Donc, il faut connaître la culture d'un peu partout. C'est difficile de jouer avec la Beauce. C'est ça que je me suis rendu compte. Oui. Et pour terminer, avec quelle région vous trouvez que c'est plus facile de jouer? Le Bas-Saint-Laurent, sans l'ombre d'un doute. Chaque fois que j'ai été là, des premières étoiles, des victoires de match. En même temps, la moitié de ma belle-famille... en fait, je veux dire, la moitié du Bas-Saint-Laurent, c'est ma belle-famille. Donc, c'est sûr que ça aide. Pour avoir fait les Jeux de la francophonie, je dirais l'Alberta. Ils comprennent pas très bien le français, fait que c'est assez facile. Merci, messieurs. Et bon match. Merci, bon match. Merci, merci, à la prochaine. Je suis avec Magadi, Brousseau, Arquin. Magadi, comment est-ce que tu fais pour ne pas rester pris dans tes personnages? J'incarne vraiment mes personnages tels qu'ils me viennent et je me donne à 110%. OK, OK! Magali, c'est un naturel chez toi d'être coloré. Si tu avais une couleur qui te décrirait, quelle serait-elle? Brun, comme la couleur d'un bronze. Oui, je redoutais une couleur qui aurait été très... En tout cas, Magali, qu'est-ce que tu penses que dans ton jeu... Bye, Madame l'arbitre. Elle fait bye pour les gens à la radio. Magali, qu'est-ce que tu penses que dans ton jeu est particulier? Alors, je crois que c'est le fait que je parle avec beaucoup... intonation. Ça, ça me donne des points. Oui, d'accord. Magali, bonne chance et bonne continuation. Merci, et je dirai à tous, à la prochaine. One down, one down. C'est pas ce qui m'arrive. On dirait que le monde est en train de changer. Je me suis peut-être fait des idées. Je suis pas devenu celui que j'étais imaginé. Jacob Trotto, la chanson, on devrait jouer au complet à la fin de chaque chronique. Voyons, c'était Gabriel Béhoud sur le terrain en direct de La Luître lundi soir dernier. On remercie, bien sûr, pour sa participation à l'émission. Lui qui, malheureusement, est absent pour le reste de la session parce qu'il est en stage, Gabriel Béhoud. Ben oui, c'est vrai. C'est bien oui, sachez-le, il enseigne à des gens. Imaginez comment ça... C'est vrai, Gabon. On va faire de futurs échecs de la vie. concernant les matchs d'improvisation, comme j'ai dit tantôt, il n'y aura pas de match lundi soir prochain, 20h, à la Chasse Galerie, comme il y en aurait habituellement. Pardon. Mais je te compense ça, moi. Je fais de même en vous mettant un match le jeudi à 15h30, heure spéciale, jour spécial, endroit spécial, c'est au 10-12 de l'UQTR. C'est le match du carnaval, donc des joueurs vétérans de la Luître vont se joindre à des étudiants qui n'ont jamais fait l'improvisation de leur vie pour quelque chose qui va avoir l'air vraiment bizarre, mais qui va être très divertissant pour tout le monde. J'y suis allée l'année dernière. T'as pas vu pour un demi-sketch? Ouais, exactement. Non, j'ai honnêtement regardé comme 3-4 sketchs. OK, quand même. Puis je suis partie à Brie, parce que c'est ça. C'est vrai, c'est quand même très drôle. Il y a des gens qui sont drôles dans la vie, dont des gens qui étaient en ingénierie l'année dernière, qui étaient vraiment forts comparés aux autres. C'est vrai. Beaucoup de jokes de pète, beaucoup de baisers gays. Ouais, c'est pas évidemment. Mal le résumé de la chose. Xavier McLeish, qui est joueur dans l'équipe des Bleus, est avec nous en studio en ce moment. Ben oui, ben voyons donc. On a le droit de dire son vrai nom. Non, c'est mon vrai nom. Je vois pas pourquoi vous diriez c'est un joueur d'improvisation qui s'adonne à passer dans le coin. Ça n'a rien à voir avec c'est pas Gab. Mais non, mais je suis peut-être pas Gabriel. Tu imites sa voix un peu. Bonjour. C'est moi. Hey, est-ce que tu fais partie de la nouvelle collection de bijoux avec Caroline Néron, toi? Ouais. C'est Colérique la Pointe. Colérique la Pointe. Colérique la Pointe. Colérique la Pointe, il est tout à fâché à voix. Pince le piton, il défonce. Exactement. Exactement. Mais non, mais là, on parle-tu d'impro ou on... Oui, parlons d'impro ensemble. Quel match? J'ai co-animé avec toi cette semaine. Absolument, c'était vraiment le fun. J'ai même ma petite feuille ici, si tu veux qu'on en parle. Ben, un on peu, peut en parler. Écoute, Gab Béaud n'est pas là, faut mal le remplacer. Ben, c'est ça. Hein? Donc, on a eu. Okay, là, il faut que je comprenne ton écriture. Ben, passe-moi là, je vais les dire. Pis, ah, ben tiens, vas-y. Puisque c'est moi qui ai été d'accord. À ta co-animation. Merci, c'était la première impro, c'était une comparée des fusillades de pardon. Demander pardon. Pardon? Eh oui, et on a eu le droit à des fusillades quand même incroyables. Que... C'était en rafale, vraiment oui. Rapide, juste un gag. Là, c'était un gag, une ligne, ouais. Un punch. On a eu quelques bons gags, là, pour vrai, de mémoire. Mais moi, je résumerais le match, mettons, en général, avec Dragon de Komodo. Oui. Dragon okay. De Komodo. Ouais, okay. Dans une impro, je demande si c'est pas dans celle... Non, non, c'est plus loin un peu. C'est dans au début du match, c'est au pas début mal. Du match, dans la troisième impro, ouais. L'exotiste, Justin Garneau, qu'on a entendu dans les vétérans en avant, ouais. A fait un dragon de Komodo qui burglait un peu comme une vache. Oh mais il rampait Dieu. À quatre pattes, ça la ouais. Avec les jambes écartillées là, vers l'arrière, ouais. Et puis il sortait sa langue, puis il ouais. Faisait des bruits de vache. Des bruits de vache. Donc, c'était un dragon de Komodo, puisqu'il allait au zoo. Et ce personnage-là est revenu. À plusieurs reprises, Justin a quand même pris un refus de personnage parce que son personnage de Dragon Komodo burglait comme une vache. Ouais. Donc, clairement, c'est pas logique. Moi, j'ai jamais vu ça, un Dragon Komodo. Non, moi non plus. Donc, c'est ça. Donc, Justin Garneau, il est revenu à plusieurs reprises. Chose qui n'a pas été calée par Mademoiselle l'arbitre Cassif Côté qui aurait pu lui donner un ça cliché. Mais les gens aiment ça j'avoue. Dans le public quand les personnages reviennent, surtout quand c'est un personnage marquant d'une improvisation. Est-ce que ça fitait au moins quand il revenait? Oui. Ouais. Dans cette impro, entre autres, je pense qu'on va sauter un petit peu là, d'agonie à la fin. Ok. Le personnage principal de Maximilien, non, d'Alexandre Marchand, avait vraiment une journée de marde. Tu sais, les dieux ils envoyaient des éclairs dessus, le monde y tirait dessus. Le dragon de Komodo a finalement mangé Alexandre Marchand. Ok, c'est bon. Ça a du sens, c'est comme gag, là, mais le personnage était absolument hors propos dans cette situation-là. Oui, oui. Donc la pénalité cliché aurait pu s'imposer, mais ça aurait sorti M. Garneau du match. Donc. Mais revenons, on était au début du match. Donc, on était au début du match. La deuxième impro, c'était une mix. Donc, c'était sortir des buissons. Une mix justement des deux vétérans entre Marc-André Fortin et Justin Garneau. Mm-hmm. Et la situation du Ned Sed. Et on a eu comme un quipoco avec qui était vraiment le père de Gabriel Béhoud. Ouais. Donc, c'est question de la mère est partie, puis le gars est tout seul, mais là, son père, c'est son père ou c'est le voisin? Mais finalement, sa mère, c'est la Ed Sed dans laquelle il a coupé une forme de sa mère. La face de sa mère. Ouais. C'est le début. Donc, on va passer par-dessus exotisme qu'on vient de résumer ouais. Assez rapidement avec le dragon de Komodo. Gloutonnerie en mix, qui était la chinoise justement de Magali et Brousseau Arcan. C'était l'histoire d'un buffet. Oui. Où il y avait des morceaux de doigts et de différentes parties du corps de Francis Dugré-Lampron qui arrivaient comme. Non, de Justin Garneau. Justin Garneau. Oui. Hey, je les mélange tout le temps, tu sais. J'en sens les bras parce qu'il avait fallu qu'il fasse amputer tous ses membres pour. En tout cas, bref. Mais donc, les buffets chinois qui nous met. Qui met des parties de du corps de Justin Garneau. De Justin Garneau. Donc, je pense que c'est la grandeur du gars qui mélange. Dans ce bro-là, Maximilien Théberge a mangé juste son coéquipier. Voilà. Oh, en petite partie, tranquillement, sans s'en rendre compte. Et voilà. Parce que c'est un mais il aimait ça finalement à la fin quand il le. Oui. Okay. Comme, il est yeah. Comme yeah! on y continue après ça la cinquième improvisation du match en comparé avec une bande-annonce de film. Ah, oh, ça, j'aime ça. Et le thème m'échappe pour le moment. Je me rappelle que Gabriel Béhoud a fait une sitcom. Oui. Genre, puis là, il faisait sa voix d'annonceur, genre. Pam pam pam pam. Ça sera terrible. Il y avait rien qui se passait sur la scène. Ah mon Dieu. Mais le malaise était très assumé. Ouais. C'était vraiment un beau fret. Mais les Oranges ont remporté cette impro-là avec une impro de bande-annonce. Incroyable, où justement, je pense que c'est Justin Garneau qui était un personnage solitaire, puis il arrivait plein de péripéties en comme 30 secondes. Il y avait plus de péripéties que dans 3 heures de film. Mais c'est le fun dans ces joueurs-là, comme Justin Garneau a beaucoup d'expérience en impro, il en fait partie, il est encore dans la ligue. Comme j'ai dit au début du match, moi, je me sens un petit peu un rejet quand je joue contre les roues de l'Orange. Ouais. Non seulement je suis une recrue, mais Justin Garneau m'a arbitré au secondaire. Ah, c'est vrai. Et Maf a le même âge de jouer en impro que j'en ai dans la vie. Marc-André Fortin a ouais. Autant de temps. D'impro dans le corps que j'en ai dans mon corps point. Dans ton corps. Tu sais, comme, j'étais pas dans les plans pis il faisait de l'impro. Dans ton corps de jeune garçon. Écoute, ma mère est enceinte pis il était sur une patinoire à la lutte. Est-ce que t'as des baleines sur ta chemise? Oui! Oui, j'ai des baleines sur ma chemise wow. Et des petits points rouges. Cool! Pourquoi les points rouges? Parce que. Et dans ses règles? Parce que. Juste, faut que tu demandes ça à Simon? On va l'appeler. OK. On appelle Simon. Il va m'expliquer pourquoi. Ah, ça répond pas. Ils sont pas ouverts encore. Pas ouverts, c'est ça. Trop de bonheur. Trop de bonheur. On t'est rendu. Donc, l'avant-dernière improvisation annoncée par Mademoiselle Katia Côté pour la première période, c'était Barbare. Donc, une improvisation de Barbare en mix où que. Je m'en rappelle pas. Ouais, c'est ça. Il y en a où il y en a où c'est moins. Ben bon, voilà. Donc la prochaine improvisation, c'était exercice utile. Donc c'est une exagération qui était censée durer 3 fois 2 minutes et qui a duré 4 fois 2 minutes à la demande de M. Marc-André Fortin. C'était l'histoire de gens dans un gym. Mais c'était absurde, là, on va se le dire. Vraiment absurde. La personne n'avait juste aucun haltère du côté des oranges. Okay. C'est Benny qui ne levait rien, finalement. Et M. Marc-André Fortin qui levait... Des dumbbells. Des dumbbells au début. Et plus l'impro avançait, plus ça allait loin. On recommençait tout au début à chaque, non, okay, à chaque okay. fois. Ouais. 2 minutes, dans le fond, après 2 minutes, on donc recommence. Donc après les dumbbells, c'était genre le gym au complet. Non, c'était un elliptique. Il veut un elliptique, mais il connaissait juste elliptique, fait qu'il disait ça, c'est un elliptique. C'est ça. Comme ça, c'est le gym au complet. Après ça, il y a eu la classe. Il a fait ouais. la classe, finalement. Et on a eu... juste Jocelyn Garneau encore. Moi, je pourrais Jocelyn Garneau tirer un excellent match. Ouais, vraiment. Comme toujours. Comme toujours, là. Avec sa joke de smoothie, dans le fond, la première fois, il fait juste commander un smoothie aux fraises. Ouais. Des fois, il demande un smoothie aux fraises, banane, pomme, poire, orange. La quatrième fois, il a demandé comme un banane. Puis juste, à la fin, il a juste dit au dragon de Komodo. Au dragon donc, de Komodo. Évidemment, retour du dragon de Komodo. Donc, c'était la deuxième apparition du dragon de Komodo dans. Ah, et faut pas oublier qu'Alex Marchand regardait les filles en train de s'entraîner dans le gym. Et la première fois, c'était comme, bon, tu sais, je peux tout regarder. Non, je sais pas, les filles, vous êtes capables. Puis la dernière fois, ben, il s'est masturbé. Il est en train de s'exagérer. Ah, oh, ben oui. Parce qu'à chaque fois, faut que ça s'exagère. Exact. Mais il a pogné une pénalité, monsieur Alexandre Marchand, pour cabotinage, ah, ce qui est très logique. Ben oui. Hein, ça sert à ça, le cabotinage, en fait. En fait, c'est le concept du cabotinage. C'est tirer la faveur du public en faisant un gag que le public veut absolument voir, c'est-à-dire oui. quelqu'un en train de se masturber. Ce qui peut te faire clairement gagner l'impro, mais. Oui. Tu sais, je comprends zéro la feuille de pointage présentement. Là. Vous aviez me la pointe, puis je suis comme, ouais. Oui, oui, j'imagine. Ça peut faire un point au rat. Parce que dans cette impro-là, ça a été un point au orange. Oui. Mais, tu sais, est-ce que c'est le gag de cabotinage qui a convaincu le public? Mm-hmm. Si oui, sa pénalité valait le coup. Oui, exactement. Exact. C'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Ouais. Mais il a donné un point à l'autre équipe, parce que c'est la troisième pénalité. Des oranges déjà dans ce match-là, mais il a gagné. Fait que c'est pas c'est prêt à payer pour avoir un point. Qui a gagné plus. Le match? Ah, ben là, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Okay. Allez, une étape à fond, on est rendu à 7e sur 15. Hein. Ah, excusez. Okay. L'impôt littéraire après ça. Non, ouais. On a eu le combat de personnage avant. Ok. On a eu le combat de personnage qui a été remporté, dans le fond, par Marc-André Fortin. Mm-hmm. Parce que dans le fond, quand tu bats un personnage, tu restes sur la scène. Ah, c'est ça, c'est comme une fusillade encore. Il y a deux personnages qui rentrent sur la scène et là, le public doit voter sur quel personnage reste. Le personnage qui perd s'en va et remplace par un autre jusqu'à temps que toute l'équipe soit éliminée. Donc, c'est Marc-André Fortin qui a réussi à éliminer tous les rouges. Oui, ouais. Je me demande si c'est pas le seul rouge qui a embarqué sur la patinoire. Je pense que oui. Sur l'orange. Sur le rouge, Marc-André Fortin. Marc-André Fortin, t'as raison. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est le seul rouge. Il est embarqué comme le premier, puis il a... Non, c'est le deuxième. Il y a eu une autre personne avant. Ouais, ouais. Donc, il était le deuxième rouge, puis il a passé les oranges quasiment à lui tout seul. Il les a lessivés. Donc, impro littéraire, on est rendu avec le mensonge, c'est la thématique. Les oranges ont pogné une rudesse, ils ont joué à 3 contre 1 sur l'improvisation. Oh. Ouais, oui, là, là, là, là. Mais, ils n'ont pas le droit. Ben, ils ont le droit, sauf que si t'es à 3 contre 1, dont 2 personnes qui mangent un sous-marin en arrière, puis qui parlent pas un mot, ça passe, mettons. Ah, ok, ok. Mais si t'es les 3 en personnage principal contre une personne qui t'en soutient des rouges. Des fois, ça peut. Ouais, okay, c'est. Ton ah là là là là me rappelle un autre chroniqueur qu'on a à son âge mais je sais pas lequel, faudrait que je pense. Ouais, je sais pas. Je connais pas vraiment vos chroniqueurs. Non, c'est ça. Je suis nouveau. Mais reste à l'écoute tantôt. C'est sa première chronique. Ah ouais, mais c'est comme. Ouais, c'est un remplaçant de Gabriel Béaud. J'étais arrivé ici, vous m'avez dit, viens, je t'ai il passait dans le corridor. C'était pas prévu, ça. Là. Allez, chose. Je m'en allais juste faire pipi, là. Je m'en retiens. Ça me fait pipi, mais oui. Tannant, là. Donc, après ça, on continue un peu plus loin. Il y a une couple d'improvisations qui ont été... un peu moins marquantes. Un peu moins marquantes dans ce match-là, jusqu'à ce qu'on arrive à Mise en lumière, qui était une mix où... non, c'était une comparée. C'est pas la comparée où, justement, il se faisait manger? Ça se peut. J'ai aucune mémoire. Moi, je suis pas le gars pour ça. T'es pas le gars pour non, ça, pas tout. Non, Mathieu, pis sa mémoire. Non. Hein. Mais il y a eu la mix justement du décrochage de Gabriel Béaud. Et oui, Gabriel Béaud a décroché. Oh. Ça, c'est quelque chose parce qu'il essaie de se virer de bord pour pas se faire voir par l'arbitre, mais l'arbitre l'impro est toujours l'impro n'était même pas commencé. Ouais. Je sais pas ce qu'il s'est fait dire dans l'oreille avant d'embarquer sur l'impro. C'est sûrement un des gags qu'il a trouvé lui-même qui s'est fait vraiment rire. Oui, il s'est dit quelque chose dans sa tête, je vais dire ça, puis ça s'est pas rendu à sa bouche, ça s'est juste rendu à son cerveau. Mais il y a eu une attaque personnelle d'avoir Katiev Côté sur cette pénalité-là. Ouais, ouais, ouais. Et ça l'a fait réagir et le public et Gabriel Béhoud de lui dire tu décroches de toi-même. Oh! Et donc, ça m'a fait rire. C'est sûr qu'elle a dit à un moment donné, genre, qu'il jouait tout le temps le même personnage, oui. qu'il jouait tout le temps son propre rôle, Gabriel Béhoud, dans une impro. C'est pour ça que les gens aiment ça. T'sais. Ouais, puis il a réussi à décrocher de lui-même. Ouais, c'est oh, ça. Non. Donc, tu sais, ça l'a fait rire le public, ça l'a fait réagir le public. Et Katia Côté, moi, je pense que dans la réalité où il y aurait encore des gogoons ou des claques à tirer à l'arbitre, ah ouais, oh, là, ça aurait plus. Ça aurait plus des gogoons. C'est le fun, ça. J'ai regardé un reportage sur la LNI hier, puis il parlait des claques comme ça. Mm-hmm. Là, ça manque. Il n'y a plus ça souvent. La Lime le fait, je crois, une fois par année, le match avec les claques. Écoute, ils font ça encore. Mais moi, à Québec, c'est assez réciproque. Lui, avec Universal d'impression ouais. de Laval, le fait. Et moi, mon équipe secondaire où je jouais s'appelait les Faces à claque, dû à la claque qu'on lançait à l'arbitre. Ah, ben oui. Et non, on n'est pas né après les têtes à claque, mais bien et bien avant les têtes oui, à claque. Ben oui. C'est des claques qu'on te fournit, là. C'est des trucs pour mettre sur tes souliers, on te les donne en entrant. C'est ça, comme les grands-pères ont. Oui. Exactement. Ben, j'ai des claques. Est-ce que tu penses que je suis un grand-père? Pour vrai? Non, je n'ai pas. Okay. Mais j'étais en train de regarder ses souliers un petit peu malaisés. Non, c'est juste des baleines ouais. dans leurs règles sur ses chemises. Oui. Parce qu'il y a du rouge. En fait, c'est juste des baleines qui jouent des petits ballons. Ah, ok, c'est vrai. Ah, oui, c'est ça. Avec leur trou, ils poussent le ballon dans les airs. Donc, ça fait des petites boules rouges. Donc, score final de ce match, 10-7 en faveur des rouges. Oui, bravo. Ce qui les mène au premier rang du classement. Hey, ça va bien leur affaire. Écoute, on va se le dire, là, c'est le classement. As-tu déjà vu un classement de la lutte aussi serré? Première position, 9 points les rouges. En deuxième position, les verts avec 7 points. En troisième position, les oranges avec 7 points. Et en dernière position, les bleus avec 6 points. Absolument. Évidemment, on suit sur le site de uctr.ca/impro pour connaître tout ça. Si vous voulez aller voir, vous aussi, vous pouvez y aller. À la page Facebook est là aussi. Prochain match, oui, vas-y. Mais attends, là, t'as-tu su que ça se peut que le site soit comme renouvelé? Ben, ce serait le fun s'il était à jour pour commencer. Ouais. Ah, ben là, Marc-André Marvion Flamand, si tu écoutes ce message, non, mais c'est était pour toi. L'affaire, c'est que à chaque semaine, depuis genre le début de la saison 2016-2017, je dis quelque chose, puis là, on me dit « Ah non, mais c'est pas le cas! » Parce que je me fie sur le calendrier du site web. Comme là, mettons, le match du carnaval, c'est marqué qu'il est à 19h sur ce mais ça ne doit pas être vrai. Mais c'est pas vrai, c'est à 15h30. Donc, c'est à 15h30. Fiv, dans le fond... Fiez-vous à la chronique. Fiez-vous à mon cerveau, là, puis à Mathieu, puis à Gabriel Béhoud qui vous dit des niaiseries en ondes, et non à le site de la Luitre. Sinon, demandez à un membre de la Luitre. Écoute, on a toutes nos petites photos, là. Ça fait de la bonne... Tu sais, il me semble, à la TV, mettons, à Radio-Canada, tu sais, genre, l'annonceur dirait, genre, restez là pour, genre, la petite vie, puis là, c'est, finalement, c'est le téléjournal, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais si vous avez des questions, regarde, allez sur les équipes, ça, c'est à jour. Puis on a tous les mondes. Trouve une face, trouve-la à l'université. Puis demande-y, c'est quand, les bros. Ça, c'est de l'information. Tu pars avec sa feuille, avec tous les visages. Tu sais, on a pris des photos, en plus. On ah a... ouais. Hey, nous, je prendrai deux minutes, j'irai voir nos photos. Je remercie Julien Traps et je pense que c'est Zwicky qui a fait le montage. Pour vrai, ça vaut 1000$, c'est parfait. C'est très, très bon, le concept du photomaton. Bref, on parle des matchs qui s'en viennent pour le mois de janvier. Donc, le 26, comme j'ai dit tout à l'heure, le jeudi à 15h30, heure spéciale, jour spécial, endroit spécial, sur 10-12, match du carnaval. Hey, le bonhomme, ça se peut qu'il joue un match. Le bonhomme? Oui, le bonhomme carnaval. Oui, moi, je vais le faire venir de Québec en hélicoptère. C'est pas vrai. Mais. Non, je sais pas, ça aurait pu être le même hélicoptère que le Père Noël. On a un contact dans le Pôle Nord. Si oui. Tu veux rester à l'écoute pour tantôt, là, on a un contact là-dedans. Pour vrai? Toujours. Ok. Genre, il s'en vient, quoi? Il s'en vient à 9h, genre. Malade. Je veux voir le Père Noël. c'est pas le Père Noël qui vient, là. Ok, ok. Non, c'est un contact vers le Père Noël. C'est comme un médium. C'est quoi, c'est une voyante? Ben non, plus extra small. Ok, un lutin! Ok, c'est un lutin! Hey! Ok, incroyable. T'as pas de point, ça. Et puis le 30 janvier, ce sera les bleus contre les verts. Hey, je rejoue. Je pense que ça va faire quasiment un mois et demi que j'ai pas fait. Pour vrai, le calendrier. Je sais que je chiale beaucoup ce matin, là, le site web pas à jour. Et aussi, le calendrier des équipes est vraiment de la merde cette année. C'est orange, orange, orange, bleu, bleu, bleu. Orange, orange, orange, bleu, bleu, bleu. Mais tu sais, on regardait la réalité. Pauvres personnes qui sont rentrées en janvier, qui veulent voir de l'impro, on va se le dire. Sérieux. On s'excuse, ok? Mettez ça dans un ordre où les gens jouent pas à chaque semaine. On a fait 6 matchs avant Noël. Et les Bleus vont jouer seulement 3 matchs, un par mois, d'ici la fin de la saison. Ridicule. Mais, vu que je vais faire venir des autobus de Chinois pour voter pour les Bleus, je vais jouer 2 matchs de plus, j'aimerais en finale. Cool. Bref, uctr.ca, /impro, sinon la page Facebook de la Luitre. Allez-y, facebook.com et cherchez Ligue universelle d'improvisation de Trois-Rivières, Luitre. Merci Xavier McClish. Ça fait plaisir. Des bleus. Hey, j'ai-tu le droit à une demande spéciale? Ben que oui, vas-y. Je sais pas si vous connaissez ça. Je vous la présente. Ça s'appelle Hillsburn. Non, connais pas. C'est un groupe canadien, je veux dire québécois. Ouais. Hein. Puis ils m'ont fait capoter cet été. C'est leur nouvel album qui est Winter, en fond. Okay. Et Rundown, je sais pas si c'était ça. Oui, c'est ça. Je te joue ça, là. Regarde. Hey, malade. Si c'était déjà prévu d'avance, que j'avais tout QA et tout ça. Puis... Cool. Merci, Xavier. Ça fait plaisir. And never seeming closer to that dream. God, I'm running out of steam. Do you die in the house you're born in? Do the fortunes of your family shape your own? Is your future coded in your bones? One, two, three, stomp your feet with me if you run down. Wanna scream so loud. One, two, three, stomp your feet with me if you run down. In the garden as a kid you're praised for. Sharing all the tools you need to play. But someone locks the tools away. Lately I can shake this vision. Mother scrape and save, cuts you through her youth and a rage into her grave. Ooh, said the fruit is ripe up high, but drugs are made for shaking. Shake up, shake up. One, two, three, stop your feet with me if you run down. Wanna scream so loud. One, two, three, stop your feet with me if you run down. Like a boiler set to scream. Struggling to breathe. I want to, I want to. Yeah, honey, help me ring that bell. One, two, three, stomp your feet with me if you run down. Yeah. Hillsborough avec Rundown à Assemblage Requis, c'est la suggestion de Xavier McCliche. Merci à toi. Mais là, je m'excuse, là, mais je reste. Ah, tu restes un peu? Est-ce que tu veux rencontrer notre prochain chroniqueur tantôt? C'est juste parce que je veux voir le lutin. Ah, c'est ça! Je suis comme curieux. C'est de rencontrer ce curieux. Mais, en tout cas, je sais pas comment se dénicher un lutin de Noël. Je sais pas. On a des contacts, ouais. OK? Alpha les lutins ainsi que Tania Esgolin-Tutigny en retour à Assemblage Requis. Restez là. Toujours à Assemblage Requis, on est mardi 18 janvier 2017. Tania Bonin, là. Ben oui, c'est moi. Bonjour. L'émission qui est présentée par Slam Disco aujourd'hui. Avant de continuer avec la chronique de Tania Is Gonna Entertain Ya, c'est le moment d'aller entendre ce qui se passe sur le campus avec l'Info Campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Vous avez toujours rêvé d'animer une émission à la radio? La station CIFU 89.1 FM est à la recherche d'animateurs bénévoles. Peu importe votre expérience ou vos sujets d'intérêt, n'hésitez pas à soumettre votre projet à progcifu@commercialuqtr.ca. Aussi, une formation est offerte aux recrues. Le premier numéro d'hiver 2017 du Zone Campus est disponible en date du 17 janvier. Deux nouvelles chroniques font leur apparition, sport et littérature. Nous accueillons aussi deux nouveaux journalistes au sport. Le journal sera disponible dans les différents cafés, bistrots et microbrasseries de Trois-Rivières, ainsi qu'à la bibliothèque Gatien-Lapointe. Les articles seront également disponibles sur notre blog zonecampus.ca. Le département de psychoéducation a mis sur pied une étude sur les conduites à risque chez les étudiants de niveau post-secondaire. Les répondants doivent être âgés entre 17 et 25 ans et sont éligibles au tirage d'un certificat cadeau de 50 $ chez Best Buy ou iTunes. Le sondage est disponible en cherchant sur Google SurveyMonkey « Conduite à risque chez les étudiants UQTR ». Trois postes au conseil exécutif de l'Association générale des étudiants de l'UQTR sont à combler. Il s'agit de la vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle, la vice-présidence aux communications et la vice-présidence aux finances et développement. Les intéressés doivent soumettre leur curriculum vitae et lettres de motivation d'ici le jeudi 19 janvier à 17h, au local 1022 ou 1023 du pavillon de la vie étudiante. L'élection aura lieu le dimanche 22 janvier dès 17h au 2083 pavillon Ringuet. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. L'Info Campus qui est écrit par David Ferron, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, lu par Tania Baudin, comme on dit toujours, hein, c'est la voix derrière l'Info Campus. C'est moi. C'est moi. Tu peux la faire comme t'as fait ton intro tantôt. PS Tendresse, j'en sais. Ouais. C'est donc, va. Prochain coup. Non, mais non. C'est sûr que je suis capable. Fais-nous une voix normale et chante avec moi pour la chronique Tania is gonna entertain. Je peux pas chanter ma propre intro. Non, ok. Ah, tu peux pas. Ok, mais je vais le faire à ta place. Fais les back vocals. Ok. C'était une petite Tania et boy, hey boy qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do it. Je sais pas si c'est ma voix ou ton sifflement qui est vraiment comme si dans mes oreilles. J'avais un sifflement qui avait mal au cœur. T'es écrit pas mal. T'es pas mal aigu. Toujours ouais. Ce moment-là vocalement. Oui, c'est ouais. Fun, hein. Au lieu de le préenregistrer pour que ça sonne bien. Je suis comme choyé pour avoir ma propre intro, je chante. Au lieu d'avoir de la qualité, on y va avec le plaisir. Exact, le fun, c'est ça de la radio live. Le pire, c'est que c'est moi qui écris les paroles, puis c'est vraiment de la grosse poésie quand tu l'écoutes. Ouais. Écoutez les paroles la prochaine fois. Donc, c'est Tania Baudin, tu nous présentes aujourd'hui une chronique sur le crédit. Oui, parce que, comme je le disais, à chaque matin, approximativement, mes sujets de chronique défilent de ce qui se passe dans nos vies et souvent de nos conversations, Mathieu. Oui. Parce qu'on parle. C'est ça, on travaille ensemble, on travaille dans le même bureau, un bureau à côté de l'autre. Mm-hmm. Donc, on a plusieurs discussions et souvent, ça va tourner autour de l'argent qui se retrouve dans nos comptes en banque. parce qu'on en gros, a. Gros sujet, là. Est-ce que t'es jaloux, Xavier McLeish? Ah, moi, j'ai pas une scène. Ah, ben nous non plus. Et voilà. Et c'est pour mais ça on parle jamais contre nos boss, hein, non? Exactement. Je vais vous présenter, en fait, une chronique sur les cartes de crédit parce que bien souvent, il y a des choses qu'on ne nous dit pas avant d'arriver à avoir une carte de crédit. On n'a pas d'éducation là-dessus. Ben Québec, non, ouais. C'est de ça qu'on parlait justement hier en dînant. C'est le fait que dans nos cours d'économie, tu apprends à faire de la bourse, tu apprends à acheter des actions, mm-hmm. Mais on te dit pas que ça serait bien plaisant de payer ta carte de crédit minimum 2 fois par mois, tu sais. Ouais. Mais faut avoir une carte de crédit? Oui, ben, parce si que veux, si tu veux t'acheter une maison un jour, ça te prend... un crédit. Non, c'est peut-être juste parce que j'ai 12 ans. C'est ça. Ça, c'est mon gag que j'ai que t'as 12 ans avec des baleines sur ton chandail, Xavier. Ouais, écoute, je passe pas dans les manèges en ronde. As-tu des sous-vêtements de Batman, quelque chose comme ça, en fait? C'est sûr que oui. Non, aujourd'hui, pour aujourd'hui. J'ai des bobettes serrées, là. Ah, oui. Bleu, élastique blanc. Oui, avec des petits hamburgers. Oh, wow! Ben, écoute, si jamais tu veux en acheter d'autres, je vais te conseiller quelques trucs pour que tu puisses avoir une carte de crédit sans te faire... Aïe, c'est déplaisant. C'est ça. Moi, je sais, hein, je suis désolée. Sans te faire siffler dans les oreilles. C'est la pire pour siffler, on dirait qu'il y a des biscuits soda dans la bouche. Ah, tu trouves? Hein? Ben, c'est parce que je siffle pas. Tu sais, fait que t'as tes lèvres comme. C'est mieux comme donc, ça. Donc, hein. C'est quoi les 9 trucs maintenant? Oui, bon, OK. Si on veut faire. En effet. Utiliser le débit de prêt autorisé sur une carte de crédit, ouais. C'est quelque chose qui est bon, mais que votre banque ne vous dira jamais. Donc, ce que je vais vous présenter, en fait, ce sont des choses qui sont bonnes à faire si vous avez une carte de crédit, mais que votre banque automatiquement va pas vous dire lorsque vous allez aller la chercher, parce que eux, si vous faites ça, ils vont manquer d'argent à un certain ouais. Moment si tout le monde réalise qu'ils sont intelligents et qu'ils vont faire ce genre de choses-là. Est-ce que t'es en train de nous proposer comme un crash boursier parce qu'on va être bon? C'est ça, mettons. Là, tu parles d'extraire, mettons, le montant que tu dois sur ta carte de crédit à chaque mois, il peut être pris dans ton compte de débit pour venir payer ta carte de crédit, c'est ça? Exactement. D'accord. C'est parce qu'en fait, les banques détestent que les clients paient leur carte de crédit chaque mois à un point tel où qu'ils appellent ces gens-là des fameux profiteurs. Ouais. Parce que, en fait, vous voulez devenir un de ceux-là parce que votre taux d'intérêt ouais. Va diminuer au lieu de monter. Et bien évidemment, eux font leur argent avec le taux d'intérêt qui va monter. Il y a une période de grâce. Donc, si tu paies ton compte au complet avant la date limite, tu n'auras pas à payer d'intérêt sur ta carte de crédit. Exactement. Donc, tu te dois de fouler ta carte puis de la vider. C'est ce que je fais. Personnellement, c'est ce que je fais. Et je ramasse beaucoup de petits dollars là, niaiseux de Desjardins là, pour, parce que je paye tout avec ma carte de crédit. Après ça, je paye toute ma carte de crédit avec ma paye. Je fais tout le temps ça. C'est ça. Flac, flac, flac, flac. J'ai des amis aussi qui font ça, qui payent tout avec leur carte de crédit. Mais il n'y a pas de frais. En partant, il n'y a pas de frais. Non. Exact. Donc, pour ceux qui ont des forfaits illimités sur carte de débit, lâchez ça, je vais vous oui, dire ben ça. Oui, ben oui, descendez ça genre, à genre 15-20. 15-20, puis utilisez votre carte de crédit, puis faites un transfert d'argent, fait que ça vous coûte 2,50 si vous n'avez aucun forfait. Il est intelligent, puis il a 12 ans. Non, oui. C'est, il devait être bon en économie. T'étudies en quoi? J'étudie en récréo, fait que c'est pas important. Ah, OK, c'est même pas la même chose. Mais bon, c'est une façon... Mais j'ai un papa gestionnaire. Ah, c'est ça la différence. Donc, c'est une façon de rester en avance sur ce que vous devez et surtout sur les banques. Ça va mettre en place le débit préautorisé, comme je le disais, et ça va vous permettre de payer automatiquement votre facture de carte de crédit chaque mois à partir de votre compte de chèque. Et vous avez le choix de payer le paiement minimum. Paiement minimum, vous allez jamais vous en sortir avec ça. Exactement. La totalité du solde ou encore un montant fixe. Ouais. Et en parlant de montant fixe, c'est exactement d'où mon sujet de chronique vient. C'est parce que hier, on avait une discussion, toi et moi, sur le fait qu'on a découvert que si tu payes ta carte de crédit à la fin du mois sur un montant X, ton taux d'intérêt va pas nécessairement s'améliorer avec le temps. C'est le même pourcentage, mais tu vas donner plus dans le beurre. Que si tu payais ta carte de crédit aux semaines ou aux deux semaines. Sur un montant qui, tu prends le montant que tu payes à la fin du mois et tu le divises sur. Ça n'a pas l'air logique. Mais au niveau des transactions, ça augmente ton nombre de transactions si tu payes aux semaines. Oui, mais si tu le fais par crédit, tu n'as pas de limite de transactions. Exactement. Donc, mais non, mais il faut que tu rembourses ta carte avec des montants fixes. Ça, c'est vrai. Oui, donc, c'est tu as une transaction débit qui se passe à ce moment-là. Mais à la place, tu peux prendre ton débit puis le foutre au complet sur ta carte de crédit. Ouais. Parce que tu peux aller dans les moins sur ta carte de crédit. Oui. Quand tu es rendu à zéro, tu peux aller comme en dessous, comme moins dans la vie. Là, c'est le moment où ta carte de crédit passe date et tu viens de tout perdre, par exemple. Faut que tu fasses attention. Ta carte de crédit passe date puis tu en envoies une autre dans le mal. Ah, oh, OK. Mais ouais, ouais. Je pensais que comme le montant à la fin de la carte de crédit, ben tu payes puis... Non, non, mais ton compte de crédit, tu vas l'avoir pour... Tu le gardes. Pas mal toujours, là. Ouais. Ouais, à moins que tu décides de le fermer. À moins que tu le fermes, tu changes de compagnie. C'est pas conseillé, premièrement, de fermer ta carte de crédit s'il reste de l'argent dessus. Faites pas ça. Et selon ma compte... Faites pas ça. Soit vous allez perdre de l'argent, soit vous allez en devoir beaucoup plus à la caisse. Ah oui. Mettons, on arrondit à 600$. Mettons-le, hey, hein. En ce moment, c'est ça. 600? 600. Qui doit 600$ personne, à une caisse? Personne. Personne. Personne. Peut-être Bill Gates avec toutes les dettes. Non, c'est l'argent. C'est le prochain chroniqueur. Ouais, c'est ça. Bill Gates. Donc, faites attention à ça. Et aussi, selon ma conseillère financière, à un certain moment, elle m'a dit de ne pas que c'était mauvais de changer pour de Visa à Mastercard, tout le temps de Mastercard à Visa, Visa à Mastercard. C'est parce que c'est mieux d'avoir de baisser ton Visa et de gagner en code de crédit chez Visa. Donc, écoute, je connais une personne que je nommerai pas qui a des cartes de crédit pour partir en voyage. Et je suis franc. Oui, ben parce qu'il y a plusieurs gens qui font ça, en fait. Oui. Étudiants aussi. Non, mais vous comprenez pas, là. Elle n'utilise pas les cartes de crédit, elle. Elle a dit, mettons, « Hey, Mastercard offre 10 000 aéroplans si vous prenez une carte. » Elle prend la carte, elle prend les 10 000 aéroplans, elle prend un voyage. Elle revient, elle enlève sa carte, elle n'a pas utilisé une scène. Wow! Et ça marche! Oh, OK! Parce ça fonctionne. Quand tu prends la carte, tu reçois des aéroplans. Donc, elle prend la carte, elle s'inscrit officiellement. Ben, je vais y venir tout à l'heure parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire que les banques n'aiment pas. Le deuxième point, en fait, c'est de négocier votre taux d'intérêt sur votre carte de crédit. Quelque chose que plusieurs personnes ne savent pas parce que quand tu vas voir un conseiller, automatiquement, il ne va pas te dire « Tu peux négocier ton taux d'intérêt, ça va te faire sauver de l'argent. » Non, non. Au contraire, lui, il veut faire de l'argent à la banque. Mais c'est pas comme un câble au distributeur où tu as juste à leur demander puis ils vont probablement le faire. Là, il faut que tu remplisses des conditions. Exactement. Puis bien évidemment, il faut que vous ayez déjà un bon crédit à la base si vous voulez le faire, mais vous devez aussi avoir de l'argent en banque. Tu sais, si vous êtes pauvre en partant, là, que votre compte est à comme moins 142 puis que vous avez un mauvais crédit, il y a une forte possibilité qu'on vous dise mais t'as fait des mauvais choix aussi. Ouais. Ben oui, clairement. C'est sûr. Tu sais que t'as acheté une Lamborghini, c'était pas une bonne décision. C'est sûr. Tu peux pas, mettons, aller demander de faire réduire ton taux d'intérêt si justement ta voiture t'a mis dans le trou. Ma technique à moi, je commence vraiment à l'apprécier plus le temps avance, là, c'est qu'avant, j'avais une carte Visa régulière, le standard classique qu'il appelle, je pense, avec, je pense, 19,99% d'intérêt, et elle me coûtait rien par année. À la place, maintenant, je préfère payer, je crois que c'est 50$ pour la Visa modulo, et j'ai seulement 10,9%, fait que genre, le mois passé, en payant avec, en mettant mon argent dessus ma carte de crédit, je pense que j'ai payé 11 cents de frais d'intérêt. Là. Ça vaut la peine. Ça veut dire que dans le fond, je me sers un peu de ma carte de crédit, un peu comme une marge de crédit. Dans le fond, les intérêts sont au mois. Fait que si tu payes tout avant, t'as pas d'intérêt. C'est exactement ça. Fait que t'ailles une carte à 50$ ou une carte à... Mettons que ça dépend juste du nombre de points que tu accumules. Choisis. Tu sais, le monde qui a une carte 5, je donne ça comme ça comme exemple, je sais pas pourquoi je dis ça. Ben, si tu payes avec ta carte, ça soit des points 5. Donc, si t'aimes aller au cinéma, c'est un excellent plan. Tout à fait. Mais t'auras jamais d'intérêt, même si elle est à 44%. Le but, c'est de pas avoir de total à payer des intérêts dessus. Exact. Si vous vous dites, mettons, je gagne 1000$ par semaine, puis j'ai une limite de 500, c'est sûr C'est sûr, toi, quand t'as payé, là. Ouais. Pose pas de questions, là. Ben, d'où l'intérêt c'est clair que son père, il a fait un cours avant de rentrer dans la vie. Juste avant de rentrer dans la porte ici. C'est ça. Il devrait être enseignant au secondaire dans des cours d'économie. Parce que, la discussion qu'on avait hier qui nous a fait arriver au point où que je parle de carte de crédit ce matin, c'est le fait que quand t'es au secondaire, t'arrives à tes 18 ans, là, t'arrives à la possibilité d'avoir une carte de crédit, mais on te dit jamais qu'est-ce que tu dois faire avec cette fameuse carte de crédit-là. Tout ce qu'on te dit, en fait, c'est que t'as la possibilité d'avoir une carte de crédit, mais que surtout, il faut la payer chaque mois. Ouais. Mais on ne donne pas nécessairement de grandes explications par rapport à ça. Je sais pas pour vous, là, mais parce que oui, finalement, j'ai une carte de crédit, je dois l'avouer, j'ai plus que 12 ans. Parce que ma mère, elle m'a dit que c'était loin en aller chercher 20$ à Québec quand tu manques de gaz. Surtout quand tu manques de gaz. Donc, j'ai une carte de crédit. Et la réalité est, est-ce que vous saviez la journée que vous devez la payer la première fois que vous avez une carte de crédit? Oui, moi je le sais parce que je me souviens exactement de la journée où je suis allée la chercher. Ah ouais. Il me semble que c'est genre le 25, moi. C'est plus okay. Moi, c'est le 27. Non, mais voyez-vous, donc le banquier ne donne même pas cette information-là. Ah non, c'est vrai, c'est ils vrai. Disent parce pas. Que, ils te le disent pas parce qu'ils veulent que tu payes des intérêts. Oui, exactement. Donc, la première affaire, une carte de crédit, vous dites « Quelle est ma date que je vais payer? » Et écrivez-là, je sais pas où, faites ça, votre code de cellulaire. Ça va être, si c'est 11-11, ben tu sais que c'est le 11 de chaque mois que tu payes. Faites-en un truc pour vous en rappeler. Puis donc, faites-vous une petite feuille de ce que vous devez à chaque mois aussi. Tout à fait. Telle date, c'est, je sais pas, l'Internet, telle date, c'est le téléphone. Tu sais, je sais qu'on commencera pas à faire un cours de budget, là. Non. Mais faut faire ça. C'est pas l'idée avec cette chronique-là. Tu dois payer de l'argent. Ben, arrange-toi pour un salaire. Va pas en dehors de tes limites. Quand tu vas en dehors de tes limites, souvent, là. Ou change un petit peu ta façon de vivre. Oui, un petit peu. Oui. Tu sais, on dit que les mondes riches font des faillites parce qu'ils ont une trop grosse façon de vivre. On va penser à des joueurs d'hockey, exemple, qui vont avoir une moins grosse carrière en fin, puis qui font des faillites parce qu'au lieu de gagner 3,5 millions, ils ont gagné 2,5. Là. Ouais. Mais, les yeux plus grands que la pensée. On dit souvent que les riches sont riches parce qu'ils dépensent absolument rien. C'est vrai? Ils sont rares. Hein? J'ai vu une chronique radio à Québec qui disait que si tu avais 900$ dans ton compte de banque, tu étais dans les 10% qui avaient le plus d'argent. Fait que la personne hier au guichet automatique qui a retiré 20$ mais qui avait 14 000$ dans son compte. Exactement, parce que Mathieu et moi, là, les bureaux sont directement à côté de l'ATM que pour la chasse-galerie. Ouais. Donc souvent, les gens oublient qu'il y a un reçu qui sort de cet ATM-là. Parce qu'il y a un délai avant qu'il sorte. Avec le solde du compte. Fait que Mathieu et moi, ce qu'on fait, il n'y a pas d'information sur la personne, là, sachez-le. On regarde les écoute, les le gars qui a 14 000 dans son compte. Là. Écoute, c'est 14 000! Hier, le plus gros montant qu'on a vu depuis un an, c'est 14 000$. Clairement, il deal de la drogue. Là. Et le plus petit, c'était 4,84, je pense. Hier, c'était 0. Oui. OK. Mais tu sais, dis-toi que si ce gars-là a plus de 900$, il est dans les 10% les plus riches de la planète. Ah, ça veut dire qu'il est dans le 1% probablement. Présentement. Non, il faut être 100 000, genre, pour être dans le. Puis les plus riches de la planète ont, je pense, c'est 1,5 million comptants. Dans leur compte débit. Dans leur compte check. Donc. Dites-vous que vous avez 900$ en ce moment. Vous êtes dans les 10% les plus riches de la planète. Ne paniquez pas, ça pas va loin. Bien. Je suis pas loin, j'y ça arrive. Va bien. Si ça vous intéresse, je sais qu'ils font ça chez Desjardins. Je sais pas s'ils le font dans d'autres banques, mais si ton compte est en haut d'une certaine, je pense que c'est comme 2000 ou 3000, t'as comme des transactions gratuites, genre. T'as pas à payer pour ton compte. OK. Ce qui est quand même le fun. Ce qui est très plaisant. Ouais. Sachez aussi que c'est quand même assez important de demander un maximum sur votre limite de crédit par rapport à votre carte de crédit. Ça aussi, c'est pas quelque chose que votre conseiller bancaire va vous dire. De vrai. Une limite, c'est pas déjà une limite, une carte de crédit? Ben, des fois, ça va être genre 3 000$. T'as jamais besoin de 3 000$. Oui, c'est ça, exactement. Mais ils te le donnent. Oui, ils te le donnent. C'est bizarre comment les banques, en fait, vous donnent une limite de crédit, mais ça vous permet de la dépasser. C'est surtout ça. Ça a gâché ma vie. Mais c'est parce que par la suite, lorsque vous allez dépasser cette fameuse limite-là, vous allez vous faire facturer des frais de pénalité qui sont soit de 25 ou de, par exemple, 30$. Et c'est un exemple d'une fausse appellation parce que ta limite de crédit, elle est à 3 000, mais si jamais, je sais pas moi, il te reste sur ta carte de crédit, t'as 2 500, puis là, tu veux t'acheter quelque chose qui va coûter comme 2 700, bien le 200$ de lousse, il va être accepté sur ta carte de crédit pareil. Ta même limite, si elle tu payes débit? Non, on parle de crédit. Okay. Donc, automatiquement, ce 200$-là, c'est pas nécessairement ta limite, elle dépasse ta limite. Mais le 200$-là va te donner une pénalité sur ta carte de crédit. Donc, pour éviter la situation, vous allez appeler votre émetteur de carte de crédit, c'est-à-dire votre banque ou votre conseiller, et vous allez demander un maximum pour votre limite de crédit. Ça fait une limite dure. Exactement. Tu veux que ça soit exactement 2 500. Tu veux c'est pas ça. Que ça soit 2 700. Je peux pas aller en haut de 1 000$ juste en ce moment. Si je vais à 1 001$, ça marche pas. Exactement. exactement. Ouais. Donc, ça va vous permettre... La transaction est simplement refusée. Oui, exactement. Ça. Donc, ça va vous permettre de mettre un arrêt sur votre limite de crédit, qui est une vraie limite, et vous allez pouvoir éviter les pénalités qui sont inutiles et surtout qui vont engendrer des frais d'intérêt. C'est vraiment nécessaire de faire ça. Oui, ouais. Vous pouvez aussi, et parfois, c'est une des meilleures choses à faire, réduire votre limite de crédit. Ouais. Vous savez, tu viens de dire, ils te donnent 3 000 de limite, mais t'as pas besoin de 3 000 de limite. C'est rare. Ça m'a fait aller jusqu'à 3 400, genre, tellement qu'ils laissent ça lousse. Exactement. Donc, ouais. Tu sais, c'est parce qu'à un certain point, on aime aussi la flexibilité d'une grande limite de crédit. T'as l'impression d'avoir de l'argent. Mm-hmm. Cet argent-là ne t'appartient pas. Ce n'est pas ton argent. Elle t'appartient jusqu'au jour où tu dois la rembourser. Exactement. Mais la vérité, c'est que les gens se mettent souvent en difficulté et dans une position qui est difficile à vivre par après parce que, justement, ils dépassent cette fameuse limite-là. Donc, n'ayez pas peur d'appeler votre conseiller et de leur demander de réduire cette fameuse limite-là pour qu'il reste dans votre budget mensuel. Et tout à l'heure, on parlait aussi de faire des montants qui sont... de faire des versements qui vont être fixes à votre carte de crédit. Ça va justement peut-être pouvoir aider si vous avez réduit votre limite de carte de crédit à un jour dire « OK, là, j'ai besoin d'un sofa, fait que je vais appeler et demander de monter ma limite de crédit. » Mais t'es-tu mieux de faire un montant fixe? T'es-tu mieux de faire un montant fixe ou de payer ta carte en totalité? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais t'es-tu mieux, mettons, je sais pas, j'ai 100$ une semaine puis 50$ l'autre semaine. Je suis mieux de faire un versement de 100$ toutes les semaines. Ça dépend ce que t'es capable de faire. Ouais, ça dépend ce que t'es capable de faire. Ou je suis mieux de faire, au fin du mois, je paye mon 150$. Ben, ce qui serait mieux, ce serait de faire le montant complet parce que t'auras pas de frais de crédit du tout. Du tout, ouais. Parce c'est toujours mieux comme ça. C'est ça. Fait que le crédit, il faudrait qu'elle soit à zéro en tout temps. En tout temps. Si tu, c'est possible pour ça. Parce que la différence, c'est que quand t'es jeune, ta carte débit, tu l'as avant ta carte crédit. Ouais, on te brainwash avec ça dès le primaire. Ben, on brainwash, en fait, à utiliser une carte de débit. Avant ça, on mettait de l'argent dans des petites enveloppes là, avant ça là, pour aller dans notre compte. Là. Toi, tu l'as fait, moi, je l'ai pas fait. C'est non, la différence d'âge. Ouais, c'est ça. Non, mais en tout cas, tu sais, fallait que t'ailles voir la petite madame pour ressortir 20$, puis là, t'as demandé ton numéro de folio. Ouais, c'est vrai. Oui. Mais je connais par cœur. Hein. S'il y en a qui veulent mettre de l'argent dans mon compte. Moi, je me souviens plus de ça. Mais bref, comme on disait tantôt, oui, ta limite de crédit peut être beaucoup plus petite que t'as déjà. Comme mettons, tu pourrais arrêter à 1000$ comme moi. Et si t'as de l'argent en plus, puis tu veux t'acheter quelque chose qui dépasse 1000$, envoie plus que le 1000$, ça va aller dans le moins, puis tu vas avoir un crédit de 1200, mettons, pour acheter quelque chose. Exactement. Tu peux faire ça. Oui, oui, oui, tout à fait. Tout à l'heure, on parlait de plusieurs cartes de crédit, comme ton ami qui prend un aéroplan, mettons, puis qui utilise ses 10 000 aéroplans pour aller en voyage, puis après ça, elle a c'est assez pour un voyage, 10 000. Oui, mais je sais pas, mais je pense que c'est avec, mettons, lui, elle, puis son chum, ça a fait 20 000. Ah, ben oui. OK, voyage. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'en fait, les banques souvent vont chercher de façon agressive des nouveaux clients de cartes de crédit, et à un point tel que, justement, ils vont vous offrir plein de choses sur ces cartes de crédit-là. Donc, par exemple, des nuits d'hôtel gratuites, des remises en argent pour justement attirer des gens à avoir une nouvelle carte de crédit. La vérité, en fait, c'est qu'il y a beaucoup plus d'avantages de prendre justement la promotion de lancement sur une carte de crédit, que ce soit par exemple 25 000 aéroplans, comme tu viens de le dire. Ou un très, très petit taux d'intérêt. Ou 5 % de remise en argent. Ça, c'est le fun. Durant les 6 premiers mois. Oui. Puis une fois que la promotion est terminée, vous passez à la prochaine promotion d'une autre carte de crédit. Oui. Donc, dans la même compagnie, Visa ou MasterCard. Oui, exactement. Ouais. Donc vous allez tout simplement utiliser ce qui vous bénéficie à un certain point, puis mais par la fond, suite, vous allez faire voyage cette, aux deux semaines. Carte-là. C'est ça, ben oui. Tu prends MasterCard, puis à chaque semaine, il offre des aéroplans selon la nouvelle carte. Tout ce que tu fais, c'est la mettre loin dans ton tiroir pour plus jamais l'utiliser. Comme ça, t'es sûr de pas te tromper. C'est parce que la plupart des temps, des fois, les gens vont penser que s'ils font ça, c'est de la fraude. Mais au contraire... Profitez de ce qui vous est offert. Exactement, c'est parce qu'on vous l'explique c'est une possibilité de faire ça. On te donne des cadeaux à Noël, t'es pas pour les tirer par les fenêtres. Ils s'attendent à ce que tu... Ils s'attendent juste à ce que t'en profites pas, mais c'est eux autres les prix. Petit Q, en passant, il y a des offres qui sont temporaires, comme mettons 6 mois de temps, 1 an de temps avec un taux réduit, peu importe. Mais il y a aussi des offres qui sont permanentes. Je me rappelle chez Tangerine en ce moment, tu peux choisir des catégories comme mettons magasin d'électronique ou épicerie, sur lesquels tu as 2% mettons, de retour en argent comparé à 1% pour le reste, mais ça, c'est en tout temps. Fait que tu sais, magasiner, il y a des offres dans chaque banque. Mais c'est non seulement c'est vrai, mais c'est encore plus intéressant d'y aller avec tes propres passions. Ouais. Tu sais, comme mon ami qui voyage, pour vrai, elle voyage vraiment trop. Mais la carte 5 que je parlais tantôt, si tu tripes cinéma, tu tripes, garde, go! Exactement. Mais tu sais, on voit souvent ça. Exemple, je sais pas, des amis autour de nous qui voyagent souvent. Puis là, tu te dis, voyons, comment ils font? Elle fait quoi, elle, pour pouvoir voyager de même au mois? Ils sont intelligents. Ils sont tout simplement peut-être intelligents et ils ont une manipulation de leur carte de crédit assez exceptionnelle. Merci. Est-ce que vous connaissez la compagnie Echo? Qui est une compagnie de gaz, non? Oui. Oui, OK. Non. Ils ont les mini-pleins, est-ce que vous savez? Oui. Mais il y a quelqu'un, c'est comme un peu une carte de crédit, mini-plein, mais t'as pas ton argent. Donc, c'est en litres. Et je dis ça parce que t'accumules des litres. Donc, tu vas tinker, ça te coûte 40$, tu payes avec ta carte de crédit, tu sais. Normal. Comme, normal. Et ça te donne des mini-pleins. Sachez, OK, que j'ai appris ça, puis c'est comme une carte de crédit, mais c'est en litres. mais les litres, là, c'est autant du suprême que du ordinaire. Mm-hmm. Ah, wow, fait que tu prends du gaz de donc, c'est ça, donc, c'est cette promotion-là de doubler tes mini-pleins ou de tripler tes mini-pleins quand t'as une carte de crédit, ben, dites-vous qu'en suprême, vous faites, mettons, 25 ou 30 km de plus avec l'essence, au 100, mettons, 7 litres au 100 km, mm-hmm. ben, si vous triplez vos mini-pleins, vous faites 3 plus d'essence, puis en plus, vous prenez du suprême. C'est bon, ça. Pour vrai, ceux qui voyagent beaucoup, gâtez-vous. Ouais, c'est ouais, comme ouais, la carte de crédit la plus facile à aller chercher, mais faut que tu trouves des échos. T'as pas le choix. Ouais, c'est ah, sûr. Ouais. Mais il y en a ici à Trois-Rivières, juste à côté de l'université d'ailleurs. Il reste deux petits points. En premier lieu, c'est obtenir l'annulation de vos frais annuels. Tout à l'heure, tu parlais de justement des gens qui vont utiliser plusieurs fois leur carte de crédit. Ouais. Ils vont pouvoir avoir, par exemple, quelques transactions de plus ou peu importe. Mais certaines des meilleures cartes de crédit disponibles ont des frais mensuels. Mais saviez-vous en fait qu'il y a beaucoup de banques qui peuvent vous annuler les frais annuels pour les meilleurs clients. Ah ouais. Donc, si vous êtes du genre justement à tout mettre sur votre carte vous de crédit... fidèle, ouais. Exactement, parce qu'il faut justement la payer. Le gars qui est à moins 2000$, lui, il est pas fidèle. Non. Ouais, il est non, fidèle! Il l'utilise! Mais il la paye pas. Il y a pas une prive de ça. Lui, malheureusement, ça va y prendre du temps avant de pouvoir faire annuler ses frais annuels, mais à un certain moment, si vous êtes justement un bon acheteur avec votre carte de crédit, que vous remboursez tout ça, ça va être possible à un certain point de pouvoir vous faire annuler vos frais annuels sur votre carte de crédit, et ça, c'est une des meilleures choses à pouvoir faire. Et le dernier point aussi, c'est qu'il y a une espèce de mythe qu'on nous dit lorsqu'on est jeune par les banques, lorsqu'on arrive justement pour aller chercher notre première carte de crédit, c'est de dire qu'il faut que tu gardes un solde pour justement avoir un bon crédit. OK. Ce qui n'est pas vrai. Ah, il me semblait aussi que ça avait l'air louche. Mais y a-tu vraiment quelqu'un qui a cru ça? De devoir de l'argent, de laisser une dette sur ta carte de crédit pour te construire un... Ben de la payer, mais de toujours avoir quelque chose sur ta carte de crédit. Mais non, non, mais dans le sens, c'est pas dans le sens-là qu'ils disent, c'est... En fait, je pense que dans faut le sens... Faut que tu t'en serves. Faut que tu t'en serves. C'est ça, ouais. Exact. Tu sais, je vais donner un exemple. Non? La carte là, d'Aéroplan qu'on parlait tout à l'heure, qu'on veut laisser finalement après 6 mois, dans le fond du ouais. Ben, faut t'appeler pour la... T'appelles ouais, c'est ça, pour c'est enlever ça. Tes frais. Parce que ta carte de crédit est bonne. Si tu l'as jamais utilisé, j'ai un exemple, Aéroplan... Tu prends ton 10 000 Aéroplan, tu fais, mettons, 3-4 transactions, tu payes exact. Tes 3-4 transactions, tu as une bonne cote de crédit. Eux, ils voient pas, ah, il l'a utilisé pendant 6, 10, 12 mois. Non. Ils voient sa cote. Fait que tu as une cote de parfaite, ben ils font, ben oui, on va donner vos frais, monsieur. T'as laissé dans le fond du tiroir, là. Ouais. Faut que t'affermes, c'est faut ça, que t'affermes, exactement. Parce que sinon, elle va te coûter 25$, puis dans le fond, ben oui. Tiroir, tu peux pas la rembourser. Exactement. Mm-hmm. C'est un petit peu cette idée-là de dire que tu laisses, avec des guillemets, quelque chose dessus, c'est que tu l'as pas encore fermé. Non, non, c'est ça. Fait que, mais ils proposent de l'utiliser, mais c'est pas vrai. Il y a du monde qui ont des cartes de crédit qui ont jamais eu de transaction dessus. Il y a du monde qui ont des cartes de crédit qui ont jamais eu de transaction. Elle est là en support au cas où, en urgence. Qui veulent faire un achat d'un divan. Ils veulent faire un achat très urgent d'une maison, un cash down sur une maison. Ouais. Là. C'est une carte de crédit qui donne, mettons, 5% de remise en argent. Tu les vois que tu achètes quelque chose. Là. Va te dire qu'une maison, là, en pourcentage, c'est sûr que tu as un bon cash down. Ouais. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc, de ce côté-là, il y a plusieurs choses qu'on connaît pas parce que, justement, comme on le disait, l'éducation économique des cartes de crédit est peut-être pas nécessairement la meilleure ici. Il y a des lacunes. Quand c'est rendu exactement. Que c'est genre la facture qui t'enseigne comment utiliser ton crédit, tu sais, ils l'ont fait souvent, à un moment donné. Souvent, on se fait dire non, mais utilise ta carte de débit au lieu d'utiliser ta carte de crédit. Mais la meilleure façon de faire, c'est de payer ta carte de crédit, ouais. Justement, avec ton compte débit pour que ta cote de crédit soit bien meilleure pour vraiment. Qu'un jour tu puisses aller soit t'acheter un nouveau char. Ou une maison. Puis on se dit, les comptes. Tu ne sois pas pogné à 25 ans pour toutes les payer. Ouais. Puis c'est faux de dire, les comptes de caisse, les comptes de transactions courantes, les comptes de débit, c'est vraiment cher pour rien. Réduisez ça le plus possible, s'il vous plaît. C'est vous sûr gagnez que, rien à l'utiliser en plus. C'est sûr que si vous avez passé en fait, votre vous gagnez vie. Non seulement pas de cash down, pas d'avantages, puis pas de voyage pour ceux qui veulent partir. Rien de c'est bon. Ça. Rien de bon. Puis c'est sûr que si vous avez passé la moitié de votre vie à utiliser votre carte de débit au lieu de votre carte de crédit, ça va être un moment d'adaptation. Ça va être quand bon, même non, mais assez la seule difficile. On va se dire, la seule adaptation, c'est le NIP. Là. Oui, mais puis genre. Mais, le NIP, mais aussi de dire à un certain moment, faut pas que j'utilise ma carte de débit, mais... j'ai utilisé ma carte de crédit. Vas-y. C'est une habitude aussi. Puis il y a plusieurs personnes qui ont changé, mettons, de banque. Et souvent, juste cette adaptation-là de banque, c'est quelque chose. Mais faites attention si vous changez de banque, vous avez beaucoup de cartes de crédit. Si vous, tu sais, vous ouais, pensez parce que ouais, c'est pas bon. Être refusé. Vous pouvez être refusé parce que vous êtes fait un bourré de carte de crédit. Donc, assurez-vous d'être dans une bonne banque avant de faire des plans de nègre avec une carte de crédit. Ouais, faites attention dans votre. Moi, de noir. D'afro-canadien. Dans votre portefeuille, mettez votre carte de débit en dessous. Moi, c'est ce que je fais. Et je mets ma carte de crédit en haut. Donc, quand je la sors, c'est la première carte sur le bord. Tout à fait. Voilà. C'est tout. Voilà, c'est tout. Merci, Tania. Ça fait C'était plaisir. Vraiment cool. Et merci à Xavier Méclich pour ça. Tu remercieras les conseils de ton père. Vraiment. Clairement. Merci, ça fait plaisir. C'est vous à profiter de mon papa. Ah oui, ma carte de crédit sur le dessus, j'ai voilà. Tu vois. Donc, c'est Xavier Méclich senior. J'imagine son père. Hein, c'est... Oui, c'est ça. C'est Méclich senior. C'est ça, Méclich senior. On prend une pause. Au retour, c'est à ton tour. C'est au tour. D'Alfalfa. Eh oui! Je l'ai pointé par là-bas et je l'ai pointé. Eh oui, je suis arrivé! Ah, salut! Voyons donc, c'est ça votre lutin de Noël? Ben là, ouais, pas de le connaître, là. Juste un peu moi, je suis là pour présenter des jeux. Ah, des jeux de société? Ben oui, j'en ai un super bon, je pense que tu vas aimer cette semaine. Génial. On revient dans 2 minutes restantes. OK. Dans la zone 89. Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Slam Disc. Vous êtes à Assemblage Requis, on est mercredi 18 janvier 2017. Et Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On a pris vraiment beaucoup de retard en début d'émission avec Sébastien Fgartin, donc c'est, pour la, c'est la raison pour laquelle, en fait, on va défoncer un peu aujourd'hui. Mais on est toujours. En fait, on a comme, je dirais, deux personnes de renom. Tantôt, vous avez rencontré Xavier Méclich, qui a participé à l'émission pour la première fois. Ben oui, je suis là. Toujours là. Qui voulait rencontrer notre lutin Alfalfa, le lutin qu'on a depuis deuxième semaine? Ouais, c'est ma deuxième semaine, mais avec le temps des fêtes, ça fait un peu plus. Ouais, c'est ça, environ un mois et quelques, on le connaît bien, ouais. C'est fou. Donc, faites votre rencontre, serrez-vous la main comme ça vous tente. Mais bonjour. Salut. Ben, moi, juste rencontrer un lutin, ça me fait un petit peu capoter, là, mais... Fait que je vais partir. OK. Parce que j'ai quand même des cours. Ah, ben oui, ben bon cours, là. Merci d'être passé. Merci, puis bonne journée, Alfalfa. Ouais, bonne journée à toi aussi, là. Bye, Xavier. Bye. Donc, Alfalfa, bonjour à toi. Hey, bonjour. Allô. Ah, c'est toujours un bonheur de t'avoir. Ouais, on était deux sur le même micro, c'était un petit peu je tannant. Je sais, on a pas assez d'équipement. T'es toujours en forme, t'es toujours là pour nous mettre ben de oui, bonne humeur. Ben oui. Hey, est-ce que t'as vu, est-ce que vous avez vu, là, j'ai une page Facebook. Félicitations. Hein? Alfalfa, le lutin. Ben oui, allez, commentez. Je vais mettre les photos des jeux que je vais présenter ou des bières que je vais présenter. Oui, parce que tu vas faire les deux de l'alcool un petit peu des un fois. Un petit peu, de temps en temps. Je suis en collaboration avec la page de la petite bière. Okay. Donc, qui est sur Facebook aussi, de la petite bière que je suis en train de jaser avec cette personne-là pour qu'il me donne des trucs bière ou des conseils comme ça. Donc, ah, c'est une bonne idée. C'est ça. Donc, vous allez liker ma page Facebook. C'est fait. C'est... Alfalfa le lutin. Tu t'as demandé au lutin Wi-Fi de te faire ça? Oui, ça a pas été... Wi-Fi. Ça a pris quasiment une semaine, mais okay. On est arrivé. Mais il travaille bien quand même. Oui, ouais, il travaille. C'est un bon délai. C'est respectable. C'est respectable. Donc, cette fois-ci, tu te parles encore d'un jeu de société. Bien oui. Hey, ça, c'est un jeu de société que je capote. Capote bien. OK, ça s'appelle Timelines. Timelines. Est-ce que tu connais? Non. Est-ce que tu connais, toi? C'est quoi? Timelines. Timelines. Ça me dit quelque chose. Par contre, je pourrais pas te dire exactement c'est quoi. Excellent. Donc, c'est un jeu qui a créé un concept vraiment simple. T'as des cartes avec un événement. J'ai un exemple, Expo 67. OK. Et tu dois la placer sur ta ligne du temps par rapport aux autres événements qui t'est arrivé. Oh donc, boy. Si quelqu'un manque Expo 67, là, ça se peut que je sois un petit peu gêné. Là. C'est comme écrit dans le nom. Donc, c'est arrivé en 1967. Donc, tu la places sur ta ligne du temps. Et là, après ça, tu dois comparer tes autres cartes. Donc, tous les joueurs commencent avec des cartes. Donc, 4 cartes d'événements internationaux. J'ai un exemple. Moi, je pourrais avoir le premier show de la petite vie. Toi, tu pourrais avoir la chute du mur de Berlin. Mathieu pourrait avoir, je sais pas, la première émission de l'ancien compte. Ben oui. Des choses comme ça. Connaissance historique assez développée pour pouvoir jouer à ça, hein? Ben oui. Mm. Ben c'est comme le Trivia Crack, mais to the extreme. Ouais, hein, mais Trivia Crack, c'est pas juste histoire. Et là, c'est ça. Donc, ils ont créé plusieurs jeux dans le même concept. Donc, il y a sport et événements. Il y a événements historiques. Il y a personnages importants de mémoire. Lui, il est plus difficile à trouver et il est moins disponible. Il était disponible seulement pour le temps des fêtes. Et il y a l'extension Québec maintenant. Ah, tous les événements d'ici, du Québec, de vous deux, là, de juste vous deux. Parce que toi, tu viens pas d'ici à la base. Non, j'ai le Nord, on répète, là, lutin de Noël pour le Nord, ceux qui n'ont pas fait le lien. C'est hein? Assez facile, hein? Oui, là, franchement. À m'amener, hein? Ça prend pas la tête à Papineau. Pour ouais, comprendre. C'est biscuit au chocolat. C'est qui, Papineau? C'est une marionnette. Ah oui, oui, oui. Un patriote. Un patriote me mélange tout le temps. C'est pas le prédécesseur du pape François aussi, le pape Hino. Ah non, mais il vient du Pôle Nord. Je savais pas qu'il connaissait Pape Hino. Non, mais c'est une expression courante. Là. C'est même dit en Chine. Non, Donc, OK. Donc, Timelines, donc, on a chacun des cartes. Et lorsqu'on place bien l'événement historique sur la ligne du temps, on diminue le nombre de cartes jusqu'à ce qu'on en ait plus. On peut commencer à 4, 5, 6, 7 cartes. Et il y a deux façons d'y jouer. Soit quand on l'a, on la laisse là. Et quand on l'a pas, on l'enlève. Okay. Ou l'inverse. Peut être un petit peu plus hardcore. Si t'es excité sur l'inverse, là. Ouh, oui, mais c'est parce que c'est hardcore. Ah, ouais, hein. Parce que là, même si tu l'as pas, tu la laisses là. Tu la places à la bonne place avec du temps. Donc là, tu dois décider si c'est la même année, si c'est entre, par exemple, est-ce que les Boys, leur première émission, est entre le livre rue et la guerre des tucs, ou est la même année... Donc, tu vas choisir c'est entre les deux événements ou la même année qu'un événement. Ça, c'est la version hardcore. Juste entre et ou avant-après. Donc, si c'est la même année, c'est correct. Là, vous, votre carte se place quand même. Donc, c'est ça. Tu l'appiles sur l'autre, j'imagine? Non, tu les mets une en dessous de l'autre, dans le fond, parce que c'est des petites cartes environ... j'allais dire de 2 cm par 4 cm, c'est quand même des petites cartes. Ouais, quasiment le corps d'une carte à jouer. Oui, en fait, c'est le corps parce qu'il y a 24 sur une carte à jouer. Ben, c'est bien fait, hein? Oui, c'est quand même bien fait, c'est magique. Mais c'est ça, donc tu places ça. Et ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que plus tu achètes des expansions ou des jeux, parce qu'ils sont vraiment des jeux, tu peux commencer avec lui que tu veux. C'est sûr que si vous prenez les dinosaures, ça se peut qu'ils viennent avant le mur de Berlin. Possiblement. Okay, possiblement. Donc, le Triceratops vient-il avant ou après les Boys? OK, c'est facile. Donc, Jésus-Christ, il va où là-dedans? Jésus-Christ dans les personnages historiques, quand même. Oui, on peut. C'est sûr, il est au bout de la ligne. Est-ce que Adolf Hitler vient après Jésus-Christ ou avant les dinosaures? On va se placer en ordre, on va se le dire. Donc, c'est ça. Donc, tu peux ajouter et mixer les jeux. Donc là, tu fais cinéma, musique, sport, et là, à la fin, tu es rendu avec... Et il y a 110 cartes par jeu. Il y a 100... Plus les expansions dont on parlait tantôt. Non, mais chaque jeu coûte 110 cartes. Coûte 110 cartes. Okay. Cartes, voyons, un matin. Est-ce que tu payes cash ou avec ta carte? Quand tu achètes des cartes avec ton cash. Moi, je paye en... Non, j'étais pas là. Débit, crédit. T'étais pas là tantôt pour la collecte de... Lui, il paye en argent magique, Père Noël. En pot de loutre. En pot de loutre. Et en biscuit et en pain d'épices. Hey, t'aurais dû voir tantôt que Xavier Méclis, j'avais une chemise avec des baleines dessus. Ben voyons donc. Ouais. C'est quand même spécial. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, tu as 110 cartes par jeu et ça s'additionne. Donc, quand t'as deux jeux, exemple, que t'as musique, cinéma et sport et loisirs, ben t'es rendu à 220 cartes. Donc, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais que Ray Charles est venu en 1980 pour le premier festival de jazz, mais... Et crime, hein? C'est sorti vite comme information. Boum! Ben, parce que je veux pas donner trop de cues sur le jeu, j'ai trop joué, là. Surtout l'expansion Québec, là. Ouais, j'ai comme mon coup de cœur un petit peu du temps des fêtes, là. Le Québec, là, je parle pas du jeu. OK, tu parles de l'endroit, là. Oui, la province. Que, comme je vous disais, là, moi, je suis comme un peu rendu délégué ici, là. C'est quoi ton affaire préférée au Québec? Le sirop d'érable. Ouais, sirop d'érable. La belle province? La poutine. Ah, ben voilà. Ah, ben oui. Est-ce que tu préfères la poutine en Russie ou la poutine au Québec? Si on parle de Vladimir, j'aime mieux au Québec. OK, parfait. Mais non, c'est ça. Donc, à la fin, tu peux avoir des jeux quand même assez diversifiés. Et c'est sûr que si tu connais toutes les cartes par cœur puis que tu es un historien, c'est plat de jouer avec toi. Ouais. Donc, ne pas jouer avec des historiens. OK, parfait. C'est vraiment important. Je m'excuse à tous les professeurs du Collège La Flèche en histoire. Spécifiquement, le Collège La Flèche, tu as des allégeances. Oui, je connais une personne, là, il m'a bien renseigné. Là. C'est un excellent historien. Oui. Je le salue, M. Baudouin. Allez, salut. Et voilà, bonjour, M. Baudouin. Pas pareil que Tania Baudouin, ça. Ah, c'est non, Tania parce Baudouin. Que c'est Baudouin. Ah, c'est Baudouin. Donc, c'est ça. Donc, dans tous les jeux, ils ont créé la Blingstein. C'est des parties de genre 10 ou 15 minutes, gros maximum. Ah, c'est rapide. Oui, c'est des petits jeux rapides. C'est un jeu qui se fait. Avant le souper, là. Oui, sur le coin d'une table, là. Avant une bière, puis ça se transporte dans une boîte en métal, fait que c'est super facile à transporter. Puis il y a deux trous pour les cartes, fait que tu mets deux cartes dans les trous, tu fermes la boîte, tu t'en vas. Fait que voilà. Cool. Est-ce que tu fais des agencements, genre jeux de société et bière? Est-ce que tu vas pouvoir, à un moment donné, vu que tu vas faire des chroniques bière, agencer ça? Ben, si ça donne. C'est cool. Ça serait quand même cool. Ben oui. Qu'est-ce que tu boirais avec ça comme bière, mettons? Ben, mettons, on compare aujourd'hui, là, tu files quoi? T'es-tu un gars de blonde, un gars de rousse, un gars de brune? Un gars de pâle. Si on regarde les filles, il est rousse. Merci. Tout à fait vrai. OK, donc t'es un garçon de rousse. Ben, moi, j'aime bien les Furnham. Est-ce que tu connais Furnham? Non. Qui ont tous des numéros. Ah ouais? Oui, en fonction de leur IBU. IBU. C'est quoi un bibibibi? Dans le fond, c'est le taux d'alcool et de d'amertume. Ah, d'accord. Voilà, je cherchais le mot au niveau de la bière. Donc, c'est sûr que la Furnham 18, qui est quand même une belle bière, se boit bien. Par exemple, elle se boit froide, même très, très froide. Donc là, on peut la mettre dans la neige un petit peu dehors et vous pouvez déguster cette bière-là en jouant une petite partie de Timelines. C'est sûr qu'au niveau du vin, si on jurait une partie, moi, j'irais avec un vin assez facile à boire, là, quelque chose de fruité. J'irais peut-être avec un vin qui se vend à la SAC pour 15$. Ça s'appelle Relax, qui est un vin wrestling. Un vin blanc. Comme de la lutte, le wrestling? Ouais. Ouais, pareil. Presque écrit pareil. Wrestling Federation? Donc, ça se vend à la sac pour une $15. Et c'est quand même assez fruité, ça se boit bien. Parce que c'est des parties de 15 minutes, hein. Tu fais pas quelque chose, tu sais. Fait que si t'as juste 15 minutes pour boire ta coupe de vin puis jouer la game, tu bois quelque chose. Tu à la fin de la veillée? Non, tu joues juste une game puis tu cales ta coupe. C'est pas comme tu vis à crack, tu deviens pas dépendant à Timelines? Mais non, parce que oui. Oui. Non, parce que oui. Non, parce que oui. Oui, mais non, parce qu'à un moment donné, tu connais les cartes, donc il faut que tu changes de public cible ou d'amis. Ou que tu achètes une expansion, dont là, tu deviens. Fait que non, tu deviens mais pas si à dire. Tu fais juste changer d'amis, c'est tout un truc qui va gagner. J'avoue. Oui, oui, oui. Tu peux gagner pareil. Mais tu sais, tu vois d'autres façons de jouer, puis d'autres stratégies aussi, là. Parce que quand même, c'est un jeu stratégique sur les bars. Ah, OK. Oui. Donc, pour venir un petit peu à ça, plus tu achètes d'expansion, là, tu deviens un peu plus addict. Parce que plus t'as d'expansion, plus tu veux connaître la réalité. Puis là, il arrive, mettons, 5 ou 6 événements. Puis là, t'es rendu en version hardcore. Puis en 1967, à Montréal, il s'en est passé des choses. Ouais. Hein? C'était l'Expo, c'était le métro, c'était... Bon, donc, c'est l'année où le Québec a eu le plus de nationalités dans son lit. Mais... quoi? Pourquoi c'est drôle? Tu connais dormir des choses bizarres. Ouais. Donc, en 67, donc, c'est sûr que les cartes vont s'accumuler sur 67 si tu joues en version hardcore. Mais... Après ça, qu'est-ce qui s'est passé sur les sets dans le monde? Et là, tu commences à jouer dur. C'est sûr que. T'as une version monde, là. T'es non, pas obligé de. C'est que ta version monde, ça va dépendre selon. Si... Mettons sport, là. Oui. La création du badminton, viens-tu avant la création du tennis, selon toi? Oui. Réponds, Madame Trivia. Selon toi, là. Ouais. Selon toi, est-ce que tu penses que le tennis vient avant le. Mais moi, c'est ça. Google là-dedans. D'après moi, honnêtement, je sais comme pas trop. Mais. Hey. Toi, Matt, tu penses quoi? C'est quoi, c'est le basketball? Non, tennis, badminton. Selon toi, lequel vient en premier? Je dirais que le tennis est venu en premier. Mais moi, je pense aussi que c'est ça, de mémoire. Moi avec? Est-ce que tu as toujours pas la réponse? Tennis, parce que c'est beaucoup plus facile à jouer avec une rush, mettons, dans le temps. Mais l'autre a l'air d'un dérivé du tennis. On dirait que le tennis, c'est comme le original flavor. Mais non, mais c'est un exemple. Donc là. T'as pas la réponse. J'ai pas la réponse. Je vous la donnerai pas. Ah, boy. Hey, pourquoi Alphalfa vous donnerait la réponse? Non, mais quand tu vas y jouer, faut que tu vas le placer toi-même, ta petite carte. Le tennis est venu avant. Ah, je sais. Oh, mais là, faut pas le dire. Là, t'as googlé. Excusez. C'est gâché une carte, là. Mais non, voyons, on veut pas vous parler. Mais le tennis a été inventé en 1858. Dis pas la date. Dis pas la date. Elle n'a pas compris le principe du jeu, mesdames et messieurs. Elle n'a pas compris. C'était le 1er avril. Ah, c'est ça. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, après ça, placé en fonction de là, est-ce que le beurre de peanut, parce que, est-ce que vous saviez que le beurre, moi j'ai appris ça à jouer au jeu-là, a été créé au Québec. Le beurre de peanut est une origine québécoise. Hey, j'ai vu un article là-dessus, là, pas long. Mais oui, 1864. Wow. OK. C'est pas date. Mais c'est pas grave, c'est le beurre de peanut. T'sais. C'est la fois la plus importante de cette année-là, je pense. Mais oui, c'est la seule affaire que c'était en 1864. C'est ça. Ça, puis peut-être un baby boom des années 1800. Mais non, parce qu'à l'époque, il y avait juste ça à faire, on va se le dire. Ben oui. Ça, puis défricher des champs. Mais mais en 1800, qu'est-ce qu'on faisait en 1800? Pas d'internet. Des enfants. Non, on faisait des enfants. On faisait des enfants. Il faisait frette. Il fallait se réchauffer. C'est la technique qu'il avait trouvée. Voilà pourquoi le Québec existe. Mais, donc, c'est un jeu super intéressant. Une bouteille de vin blanc qui se boit super rapidement léger ou la Farnham 18 pour agrémenter vos soirées. C'est magnifique tout ça. Des bons moments en perspective. Ben oui. Ah, c'est super. On te retrouve la semaine prochaine et toutes les semaines. Ben oui, c'est ça avec ma page Facebook. On calime sur ma page Facebook. Je vais poser les photos des bières que je vous ai présentées et la photo du jeu et la bouteille de vin aussi. Hein. Ce qui n'était pas prévu. Fais-moi un peu de coups comme ça. Je suis même. À la bonne franquette. Ben oui, on aime tout faire ça à bonne franquette. Et je vais mettre la photo du jeu Timelines. Vous avez seulement à me demander où on peut l'acheter. Je vais répondre qu'il va être toujours à l'achat en ligne sur un site qui s'appelle le Castello. Donc, Castello qui vend ses jeux en ligne et qui les livre directement chez vous. Ah ben, c'est-tu pas bien? C'est merveilleux. C'est-tu pas incroyable? J'adore cette petite compagnie-là qui est une petite compagnie québécoise d'ici qui... Par qui France avait... Castel, j'imagine qu'il y a parti. Oui, exactement. C'est exactement son nom. Donc, qui peut amener les jeux directement chez vous. Comme le Père Noël. Oui. Le Père Noël, il te livre à la maison. Wow. Sinon, vous pouvez le demander pour Noël à Alphalfa. Ben oui. Ben au Père Noël, loin, mais c'est Alphalfa. Ça se peut que j'oublie avec toutes les deux semaines qu'on va passer à Cuba, là. C'est ça. Mais toi, avec les voyages du Père Noël, on sait plus ce qu'on fait. Avec les aéroplans, t'aurais dû parler avec Xavier, tantôt. Ah, je sais pas. Il est fanatique de... C'est quoi un aéroplan? C'est un avion. Oui. OK. Bref, okay. Donc, qu'est-ce que tu disais? Je disais que le Père Noël, mettons, tu sais, le Père Noël doit livrer des cadeaux partout dans le monde. C'est un seul Père Noël qui passe ça partout dans le monde, j'imagine, c'est ça que tu me disais. Donc, le temps ralenti, j'imagine, pour lui, parce que je veux dire, 24 heures, c'est pas ben long, hein? Mais on va se dire, on va se dire, nous autres, il y a du décalage horaire. Ah, c'est ça, fait que ça prend c'est les 24 heures. Donc, selon le décalage horaire, on arrive toujours à minuit, mais okay. On a une heure pour faire le. Ah, c'est ça le c'est ça truc. Puis nous, on est au temps zéro, comme j'ai dit, on n'a pas d'heure. Tu sais, il est toujours 3h15. Donc, Tu me fais exploser le cerveau, le live. Et voilà. C'est quoi? Mind blown. Mind blown! Alfalfa les lutins, merci! Hey, ça fait plaisir! À la semaine prochaine! À la semaine prochaine! Tous les mercredis à 9h! Ouais, ça fait deux semaines qu'on. Ouais, ben l'émission est un petit peu intemporelle. Comme ça. Ouais, donne. Comme le pôle Nord. Mais t'es en vacances, fait que c'est correct. Hey, c'est pas stressant, c'est pas stressant. Nous, on va terminer l'émission ici, alors qu'il nous reste encore du temps pour être dans les temps. Qu'on n'ait pas l'air de trop défoncer. Oui, c'est ça. Donc, on se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. On remercie Sébastien F. Gartin pour sa chronique du bulletin Gartin. Merci évidemment à Xavier McLeish qui est resté tantôt pour la chronique Tania Esgonette-Eugénia et dans les coulisses de la huître. Merci à Alfalfa le lutin. Demain à 8h, on aura Alex Marchand de la GQTR pour parler des nouvelles. Lui qui n'était pas là depuis avant les fêtes. Donc, on a plein de choses à se raconter. Il n'était pas là la semaine passée. Puis, qu'est-ce qu'on a demain aussi? C'est tout. 6h30 à 9h30, en direct à partir de 7h30. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en ce mercredi matin? On a bien sûr l'émission Compte à rebours à 10h avec des comptes traditionnels. Ça s'en vient, là, ça s'en vient. Oui, oui. Juste après ça, à 11h, la rediffusion de Rock de Neurone. À 13h, c'est Répond avec une chanson qui finalement ne changera pas de case horaire. Ah, d'accord. Donc, ça va rester les mercredis à 13h. C'est à partir d'aujourd'hui. Ensuite, à 15h, je vais être de retour pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. On parle de choses geek, technologie, télévision, informatique, jeux vidéo. Ensuite, à 17h, c'est Audiomatique, l'émission de musique électronique. Et puis à 19h, L'Ob Trotter en rappel et 20h, Radiosonic en direct avec de la musique variée. C'est fou.ca pour la programmation complète. assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Et la page de Alfalfa le lutin! Oui! Ah, c'est vrai, on est sur Facebook, on est sur Twitter, Splashface et les autres. C'est ça. T'as le stock? C'est fou sur Instagram. Y a-t-il quelqu'un qui s'occupe de ça? Ok, bye! On te met là-dessus. Bon café! Bye, bon café!